les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Bonsoir à tous, au lendemain du classique PSG-OM et des demi-finales de la Coupe du Monde de rugby, nous nous retrouvons pour un peu moins d'une heure et demie d'actualité sportive cette semaine. Ce soir, c'est l'épisode 7 de la saison 5 de Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Et me voilà accompagné d'une belle équipe, qui a évolué même, si vous voulez le savoir, tout au long du week-end et jusqu'à quelques minutes avant l'émission. Mais en tout cas, on a une super équipe, il me semble, autour de la table. Tout d'abord, à ma droite, Corentin. Bonsoir, ravi de te revoir parmi nous avec un beau maillot en plus, je vois. Ah oui, beau maillot. Hein. Très ancien de Montpellier, 1989-1990. Le retour également de Tim autour de la table. Ouais, de retour parmi vous, on est là pour distiller un petit peu. Ouais, surtout qu'il y aura, j'y reviendrai dans quelques secondes, un débat tennis. Jules, inamovible et recordman de victoire en ce début d'année du quiz. Je viens pour une quatrième étoile aujourd'hui. Quel enfer. Il a prévenu. Il y a une concurrence en face, c'est Casper. Ouais. Ouais, mais méfiez-vous, le quiz, le grand moment qui sera à nouveau proposé par Guillaume Kassachvili, notre envoyé spécial à Amsterdam. Mais j'ai rajouté quelques petites questions, vous le verrez. Romain, qui nous fait son retour, il avait été présent lors d'une précédente émission l'année dernière, mais et c'est oui. Un habitué de Radio Campus Montpellier. Et oui, toujours présent. Toujours présent. Et enfin, Valentin, qui va nous faire sa première à la radio, il me semble, et donc à Radio Campus Montpellier. Et oui, bonsoir. Et bonsoir, on est ravis de t'avoir à nos côtés, donc une belle compo je vous disais, et un programme condensé, et on l'espère qu'il va vous ravir. Tout d'abord les débats des Chillers, avec deux débats ce soir, les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby 2019 au Japon à Yokohama, et les déceptions de nos clubs français en Ligue des Champions et en Europa League pour le football. Le sport montpelliérain, retour sur les résultats des clubs de la ville, sur un événement régional qui a eu lieu aussi, le Rallye des Cévennes, ou encore un focus sur... notre club de hockey sur glace, les Vipers de Montpellier, qui, vous le verrez, teasing, ont gagné leur premier match de la saison en championnat ce week-end. Aux alentours de 19h40, vous retrouverez ensuite le débat de la semaine, un peu plus court qu'à l'habitude. Il sera consacré à la fin de saison 2019 de tennis, les attentes pour le Masters 1000 de Paris-Bercy, l'année des révélations ou des confirmations, et enfin les favoris dans la perspective du Masters ATP Finals à Londres. Pour conclure ce 7e opus, on aura notre quiz, je vous l'ai dit, notre agenda 100% Montpellier, et enfin les tips de la semaine avec le retour de notre team à la baguette. Enfin, avant de démarrer cette émission, on vous invite à participer à nos deux sondages sur les sujets du soir, sur la Coupe du Monde de rugby, qui la remportera. Vous retrouverez ça sur notre page Facebook et enfin sur notre compte Twitter, où on pose la question: est-ce que c'est l'année pour une première victoire à Paris-Bercy pour Raphaël Nadal, lui qui a été sacré de multiples fois à Roland-Garros mais jamais à Paris-Bercy? S'il n'y avait pas eu mariage, je t'aurais dit oui, mais on ouais. a vu. Donc, affaire à suivre, effectivement. Mais sondage sur Twitter auquel on vous invite de participer, et les résultats seront communiqués d'ici à la fin de l'émission. T'as mis Nadal ou qui? Juste, j'ai posé la question. Ah, est-ce que Nadal, quelque part, a une chance pour vous de remporter Paris-Bercy cette année? Est-ce une chance, Nadal, mais... Plus qu'une chance, est-ce que vous le voyez vainqueur? C'est la question du soir sur Twitter. Non, elle est bien, elle est bien. Et que je pense, effectivement, est intéressante même pour l'histoire. Ouais, elle est bien, Allez. Bah écoutez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, place aux résultats de la semaine, format débat jingle. Sport & Chill, les résultats. Deux mini-débats des Chillers ce soir, un débat rugby, un débat football. Honneur, comme chaque semaine depuis un bon nombre de semaines justement, à la Coupe du Monde de rugby, c'est le grand événement. On est proche du dénouement, nous avons notre finale et on a eu deux demi-finales qui étaient très attendues entre une sélection de l'hémisphère nord et une sélection de l'hémisphère sud à chaque fois. Jules, quel est le verdict déjà de ces demi-finales et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer? Eh ben d'abord, samedi, on a eu la première demi-finale, celle qui était la plus attendue, une finale avant l'heure, entre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, et qui, au niveau du jeu et de l'intensité, n'a pas déçu. Ça a commencé très fort pour les Anglais, déjà avec le AK défié, avec notamment ce regard d'Owen Farrell vers les All Blacks, qui montrait qu'il était prêt à aller au combat. Et les Anglais qui ont su assumer derrière sur le terrain, notamment en marquant d'entrée à la deuxième minute par Tuilagi. S'en est suivi un match de très haute qualité de la part des Anglais, qui ont vraiment contrecarré tous les plans des All Blacks. Et notamment par le biais du pied de George Ford, on su maintenir cet écart, même si on a vu un petit peu en fin de match, sur une erreur grossière à 5 mètres de la ligne, les Blacks revenir sur un essai un peu casquette. La question que je voulais voir avec vous, c'est à votre avis, est-ce que c'est une grosse performance des Anglais ou est-ce que c'est justement une mauvaise performance des Blacks qui sont passés un peu à côté ? Team peut-être. Ouais, écoute, moi j'ai regardé ce match avec attention. Je me suis levé pour regarder ce match. Alors c'est vrai que l'Angleterre a fait un gros match. Ça, c'est indéniable. Ils ont été dans l'impact, dans l'organisation, dans le jeu proposé. Ils ont été vraiment très performants. Après, moi d'emblée, j'ai envie de te répondre que c'est la Nouvelle-Zélande qui n'a pas assumé son statut, qui n'a pas été au niveau. J'ai pas vu un double champion du monde en titre sur le terrain. Faut dire ce qui est. Pour moi, ils ont été défaillants. Honnêtement, je vais être tranchant. Pour moi, ce match, la Nouvelle-Zélande mérite de marquer 0 points. Il marque 7 points sur un essai qui est donné par l'Angleterre. S'il n'y a pas cette erreur sur cette touche, la Nouvelle-Zélande ne score pas, tout simplement. Il n'y a pas eu de faute finalement au niveau de l'Angleterre, au niveau de faute technique qu'on peut voir à ce niveau-là. Ils ont été vraiment très constants au niveau du match et j'ai trouvé qu'au niveau de l'adversité, vraiment, ils ont été mangés, les Néo-Zélandais. Ce qui est en somme tout assez intéressant parce qu'on peut voir que la Nouvelle-Zélande n'est pas du tout imbattable et que si l'Angleterre ou une équipe européenne se met à niveau qui a mis l'intensité et la qualité technique nécessaire, cette équipe est largement prenable. Et pour moi, ok, il y a eu une bonne équipe d'Angleterre, vraiment sur l'ensemble du match ils n'ont pas été défaillants une seule fois, mais j'ai trouvé que pour avoir un gros match il faut avoir deux grosses équipes, et pour moi la Nouvelle-Zélande n'a pas été au niveau, pas au niveau escompté. J'ai été déçu de la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre mérite 100 fois d'aller en finale. Toi qui n'es pas forcément très rugby, Corentin, mais est-ce que tu es surpris justement de ce résultat où l'Angleterre rejoint la finale qu'elle n'avait plus jouée depuis bien longtemps? Bon, je pense que comme tout le monde, on est un peu surpris. Hein, on voyait les All Blacks. Enfin, moi en tout cas, je voyais les All Blacks passer, mais bon, je ne suis pas expert non plus. Mais la question que j'avais un peu envie de vous poser aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forte différence entre ce contexte très particulier de la Coupe du Monde où c'est un one shot et où vraiment il y a une pression très différente de ce qu'on peut voir d'habitude avec les matchs amicaux ou les matchs, je vais pas dire amicaux, mais en fait le Four Nations, même le Four Nations, chaque année, donc t'as moins de pression. Tu sais très bien que la Nouvelle-Zélande, ils la connaissent la pression, ils sont double champions du monde, ils ont ouais, bien sûr, mais justement, ils doivent savoir gérer ce genre d'événement. Tu peux perdre et livrer ce genre de prestation, pour moi c'est inacceptable. Romain, peut-être. Bah après, peut-être qu'ils se voyaient déjà qualifiés aussi. Hein. Il y a ça. C'était quand même les gros favoris de la Coupe du Monde. Je voyais personne arriver à leur cheville hein, sur le tableau final. Ouais, finalement. Ouais, l'Angleterre était impressionnant jusque là. Au fur et à mesure de la compétition, l'Angleterre est vraiment montée en régime. Et de là à dire qu'ils se voyaient déjà en finale, les Blacks, je pense pas. Je pense qu'ils ont quand même respecté les Anglais, mais ils sont juste tombés sur meilleur que sur ce match-là. Ils n'ont pas mis les ingrédients. J'ai préparé un petit top flop sur ce match-là. Vous me dites ce que vous en pensez. Au niveau des tops, je mettrai la troisième ligne anglaise, notamment avec les Kamikaze Kids, comme on les appelle, Curry et Underhill, qui ont été monstrueux d'activité. Ensuite, Maro Itoje, qui a survolé le match, que ce soit en conquête ou dans les impacts. Et en troisième, George Ford, qui même s'il a jamais, enfin il n'a pas été titulaire indiscutable ces dernières années, mais parce qu'on lui reprochait notamment sa défense trop faible en défense, là il a su mettre les points au pied qu'il fallait. D'ailleurs, c'est un peu surpris tout le monde que ce soit pas Farrell qui bute, et lui il a mis ses points au pied, dans une pas facile d'ailleurs, mon excentré qui dans une pas facile, il a pas tremblé en fin de match et il gère toujours aussi bien au pied et dans l'animation offensive. Et du côté des flops, du coup c'est trois Néo-Zélandais. J'ai mis Samoa Whitlock qui n'a pas été dominant comme d'habitude. On pourrait aussi rajouter Kieran Reid qui ont subi alors que d'habitude ils sont plutôt dominants dans les impacts et en conquête. Ensuite Hardy Savea qui pareil a été assez maladroit, qui a fait des fautes et qui doit notamment son essai, il le doit juste à une erreur du lancer anglais. Et pour finir, je mettrai Boden Barrett qui est considéré un peu comme le meilleur joueur du monde et qui là a semblé perdu sur ce match. Des fois on a vu les Blacks vraiment ne pas savoir quoi faire avec la balle. Et je sais pas ce que t'en penses Romain, mais j'aurais pas mis Barrett moi, mais t'aurais pas mis Barrett, ouais, c'est ça que j'aurais enlevé. Je trouve qu'il avait surnagé par moments, par quelques phases. Après, forcément, il est un peu déçu par rapport à ce niveau de jeu depuis le début, mais... Ouais, je pense que Bowden Barrett est plus un symbole sur ce match parce que c'est un joueur qui est arrière, qui est là pour dynamiter les lignes, récupérer justement des bons ballons de relance. Et son équipe était tellement acculée qu'il a toujours été en position défavorable et que lui-même s'est mis progressivement, enfin c'est en tout cas mon opinion sur ce match, à déjouer. Ce qui n'empêche pas, effectivement, là où je rejoins Jules, qu'il est reconnu sur les dernières années comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et qu'il n'a pas su élever son niveau de jeu comme on pouvait l'espérer sur cette finale. On l'avait mis dans l'équipe type. Il était dans l'équipe type. Et puis, pour un œil amateur comme moi, je trouve que ce que tu dis, ça se voit, que c'est le meilleur joueur sur les 3 dernières années. Je trouve que par moment, par quelques phases, on voit que quand même il surnage. On voit qu'il a un meilleur rugby que les autres. Je trouvais que par moment, il a plus porté le ballon qu'à l'accoutumée, je pense, parce que son équipe, justement, était vraiment dans le dur. Après en flop, j'aurais pu rajouter Sonny Bill Williams qui nous a fait une entrée bien pourrie. Horrible. Pourrie, il a reculé sur tous les impacts, il a tenté de faire des passes un peu n'importe comment. Ouais, vraiment une équipe des Blacks, en tout cas en grande difficulté, avec des trois quarts qui n'ont jamais été en bonne position, qui n'ont jamais su aussi se réinventer, remettre, c'est pas une question de se remettre en question, mais en tout cas faire changer la pression de camp et trouver une nouvelle stratégie comme ils ont des fois été capables de le faire. Le seul qui a surnagé derrière, c'est Goudiou, le numéro 13, qui a réussi à casser des plaquages et à avancer. Sinon derrière, ils se sont fait manger... par leur opposant direct anglais. Et sachant que les Néo-Zélandais qui nous ont habitués à de nombreuses passes après contact, offload, l'ont fait qu'à quelques reprises et vraiment très peu dans ce match, ont été assez maladroits et fortement dominés en conquête, ce qui ne permettait pas effectivement à leur charnière et à leur trois quarts de s'exprimer. D'ailleurs, un autre, mais comme quoi on voit que cette équipe n'a pas proposé ce qu'elle fait de mieux, un autre joueur, Aaron Smith, connu comme l'un des meilleurs demi de mêlée du monde, a été vraiment en grande difficulté sur ce match, et donc une conquête qui m'a beaucoup déçu, que ce soit en touche ou en mêlée, mais il faut saluer et revenir dessus justement la prestation de l'équipe anglaise, il me semble hein. Puis effectivement très Corentin nous revenait sur cette possibilité de gagner sur un match justement cette équipe néo-zélandaise qui a été fait par cette équipe anglaise, mais je pense que c'est un travail de longue haleine, même réalisé avant la Coupe du Monde 2015 où ils ne sortent pas des poules, et qui est récompensé cette fois-ci avec en plus un stratège à la manœuvre Eddie Jones qui avait déjà crevé l'écran lors de la dernière Coupe du Monde avec le fameux exploit lorsqu'il était sélectionneur du Japon et la victoire contre l'Afrique du Sud. Alors après sinon, dimanche on avait la deuxième demi-finale entre l'Afrique du Sud et le Pays de Galles, une demi-finale où on peut regretter l'absence de l'équipe de France qui selon moi aurait dû être à cette place-là, surtout quand on voit le jeu qui a été mis en place par les deux formations qui m'ont semblé un petit peu frileuses sur ce match-là, pris un petit peu par l'enjeu. Ça s'est plutôt contenté à un duel de buteurs entre Pollard et Bigard Alf Penny, on va dire, de l'autre côté. Toutefois, on a des Allende qui surnagent vraiment dans cette Coupe du Monde, qui a réussi à trouver la faille en deuxième mi-temps pour faire passer les Springboks devant. Les Gallois qui, derrière, ont répliqué en refusant de tenter une pénalité et plutôt prenant la mêlée. Choix récompensé puisqu'ils arrivent à marquer petit côté par Adams qui signe son sixième essai de la Coupe du Monde. Et au final, tout se joue sur une dernière faute galloise et Pollard qui transforme cette pénalité à la 76e. Ensuite, ils n'auront plus qu'à gérer pour accéder à cette finale. Au vu de ce qu'on a vu pendant ce match, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu du niveau pour une demi-finale ? Surtout lorsqu'on voit le match de la veille, il me semble. Quand tu as vu Nouvelle-Zélande-Angleterre la veille, tu te dis que ce n'est pas le même niveau de jeu. Tu as été forcément déçu au niveau du contenu du jeu proposé. C'est vrai que l'Afrique du Sud a été très décevante. Après, je pense que ce qui peut leur servir justement pour la finale, c'est d'avoir été décevant sur ce match et d'être quand même en finale. Et je pense qu'il ne faut pas les enterrer. Surtout que lors des précédentes rencontres, ils ont été assez impressionnants, y compris contre la Nouvelle-Zélande où ils perdent le premier match, mais où dans les intentions de jeu, ils étaient exactement supérieurs. Et à noter, et en attente dans la perspective de la finale, qu'il leur manquait leur dynamiteur dans la ligne des trois quarts, Chelsin Colby, l'arrière ailier du Stade Toulousain. C'est vrai que pour de la créativité pour les box en finale, ce sera sans doute un facteur clé. Après, comme tu le dis, je ne sais pas si c'est l'avis aussi des autres chroniqueurs, mais ce qui est important, c'est d'être en finale, voilà. De savoir faire le dos rond dans les moments difficiles. Exactement. L'expérience qui peut jouer aussi dans ces moments-là. Et on sait comment les Gallois sont capables aussi de piéger des matchs. On l'a appris à nos dépens. Après, c'est vrai que c'était un match un peu particulier, très tactique, porté sur le défi physique, qui a été remporté difficilement, mais remporté par les Springboks avec cette fameuse dernière pénalité d'André Pollard, qui rejoindra d'ailleurs le Montpellier Euro Rugby à l'issue de la Coupe du Monde. Oui, petite info à rappeler. Voilà, bah, y a avec Stein aussi qui est dans le roster sud-africain, qui peut encore être champion du monde, double champion du monde. Pour le former un peu peut-être. Voilà. Et sinon, on a sur les tops et flops de ce match-là, j'ai mis Pollard, Dayalinde et Peter Steve Dutoit, le troisième ligne aussi sud-africain, qui a une énorme activité. J'ai aussi mis un Gallois, un ancien Alouin Jones, qui a été le seul à vraiment surnager dans ce pack gallois, à répondre aux défis physiques. Et au niveau des flops, j'ai mis qu'un seul flop, c'est la charnière galloise, qui a été très décevante entre Gareth Davis et Dan Bigard. Bigard qui fait une Coupe du Monde assez catastrophique, moi je trouve. Incompréhensible. Bon, il continue à garder la confiance du sélectionneur, alors que son remplaçant Patchell me semble meilleur que lui sur les dernières. En tout cas, mériterait d'avoir sa chance sur au moins un match. Voilà, c'est ça. Et il a vraiment fait une Coupe du Monde catastrophique. Et bon, ils ont de la chance de se retrouver en demi-finale, mais après, au bout d'un moment, ça passe plus quand la charnière est aussi peu joueuse, fait que envoyer des ballons hauts. Bon, ça, c'est peut-être le staff aussi qui leur donne les consignes, mais c'est assez décevant côté gallois. Ouais, assez décevante, et je pense que ça peut coûter aussi, on verra ça à la fin dans notre fameuse compo équipe type, qui a été d'ailleurs maintenant partagée au travers d'un article sur le site nouvellevue.com, ça me permet de le rappeler, notre nouveau partenaire, où on avait mis Gareth Davis sur la phase de poule. Effectivement, Gareth Davis dans un match très important a déçu, et surtout Dan Bigard, alors que le Pays de Galles réalise une très belle Coupe du Monde. C'est surprenant de voir son numéro 10 aussi décevant. Peut-être un mot pour conclure cette discussion, Jules, sur la finale elle-même, et nous faire un petit peu nous positionner. Ben voilà, je voulais voir avec vous quel est votre pronostic sur cette finale Angleterre-Afrique du Sud, qui est un remake de la finale de la Coupe du Monde 2007, qui avait profité aux Sud-Africains en France. Cette fois-ci, qui c'est que vous voyez personnellement? Moi, c'est l'Angleterre. Je vois l'Angleterre s'imposer. Qui avait remporté la Coupe du Monde en 2003. Ben honnêtement, c'est dur de se prononcer, parce que comme toi, moi, l'Angleterre m'a fait meilleure impression pour l'instant jusque là. On atteste leur match référence contre la Nouvelle-Zélande. Je trouvais l'Afrique du Sud un peu en bridage contre les Pays de Galles, mais comme j'ai dit juste avant, je pense que ça peut leur servir pour la finale. C'est vraiment dur à se prononcer. Je vais dire l'Angleterre. Je vais dire l'Angleterre d'un sentiment naturel et sur ce que j'ai vu, mais honnêtement, j'en suis pas sûr du tout. Ce qui serait que la deuxième fois pour une sélection européenne, et la même, nos chers voisins anglais qu'on aime détester. En tout cas, ils gagnent, ça va être un match serré, je pense. Corentin, s'il fallait retenir une équipe. Moi, je dirais l'Afrique du Sud, parce qu'il ne faut pas oublier que les Anglais ont brûlé Jeanne d'Arc et je ne pourrais jamais leur pardonner. C'est tout à fait partial, mais il en faut. De votre côté, à ma gauche, est-ce que, voilà, même sans forcément étayer, quelle équipe? Déjà, je pense que c'est un match très couperé. C'est une finale, hein, il peut vraiment tout se passer. Tu parles pas de Grégory Coupé? Non. Mais après, c'est vrai que j'aimerais bien que l'Afrique du Sud gagne cette partie, juste parce que j'aime pas les Anglais. Mais après, franchement, les deux équipes vont vraiment montrer un très très bon niveau de jeu durant toute la compétition. Et franchement, je pourrais pas dire qui gagnerait cette finale. Une finale presque logique. Valentin, anti-anglais aussi ou pas forcément? Pas forcément, mais je pense que l'Angleterre a fait une meilleure impression que l'Afrique du Sud sur le tournoi, donc je les vois favoris. Mais c'est assez partagé. Alors bon, moi, comment dirais-je, que c'est forcément le cœur, on le verrait dans le live Facebook. Romain a rapport à un magnifique maillot des Springboks, et une écharpe aussi. Et il a été naturalisé il y a peu de temps. Né à Pretoria, sachez-le. Comme on l'a dit, on a bien évidemment, comme on l'a dit, on a deux joueurs du MHR qui seront dans cette sélection sud-africaine. Une grosse communauté ici. Au-delà de ça, même si la demi-finale n'a pas été à la hauteur, j'ai vraiment confiance en cette équipe d'Afrique du Sud pour la demi-finale, pour la finale après cette demi-finale, et j'espère qu'ils trifent je vois l'Afrique du Sud une deuxième fois l'Angleterre. Pour la deuxième fois contre l'Angleterre après la Coupe du Monde 2007 qui avait lieu en France. Mais... ce serait un beau symbole avant la prochaine qui sera également en France en 2023. On le rappelle. On passe à un second sport ce soir. On verra justement qu'est-ce qui ressort du sondage qui était assez partagé aussi entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Là autour de la table, du coup, si je compte les voix, on a 3 pour l'Afrique du Sud, 3 pour l'Angleterre, c'est particulièrement beau. Serré. Oui, bah, Corentin, ouais. football, c'était Ligue des Champions et Europa League cette semaine. Ouais, ben Ligue des Champions, et ça rime presque avec déception maintenant, hein, quand on est français, quand on supporte les clubs français en Ligue des Champions. Bon, hormis Paris qui est sur une autre galaxie, moi je voulais vraiment réfléchir avec vous, et je vais pas faire long en fait sur nos clubs français et nos clubs moyens français, ce que j'appelle moyens, c'est-à-dire Saint-Etienne qui nous a encore fait un nul contre Alexandria, et Alexandria, et je parle pas d'une équipe égyptienne, hein, c'est ukrainien. et Rennes qui a été, mais alors Rennes, c'est compliqué de faire pire. Qui à domicile, avec des erreurs énormes, finit avec 2 cartons rouges et surtout rate un penalty. Compliqué aussi. En plus, Rennes était dans un groupe abordable et revenait de cette épopée européenne entre guillemets de l'an dernier où ils avaient éliminé le Betis. Et moi en fait mon point c'était réfléchir avec vous et aussi réfléchir sur ce qui manque au club français moyen, ce que j'appelle Saint-Etienne, mais même on pourrait même inclure Lille, ouais, tu peux élargir, je pense, Lyon, Lille, en fait hors Paris quoi, ouais, c'est ça. Pour faire des bonnes performances, hein. on l'a vu, hein. Marseille a fait une finale de Ligue Europa, Lyon a fait une demi-finale de Ligue Europa et sorti des poules l'an dernier, bon, voilà, qu'est-ce qui nous manque pour faire pour aller chercher cette, parce que on va pas se mentir, hein, pour le football français, si on va chercher une Ligue Europa, ça serait un énorme exploit. Qu'est-ce qui nous manque pour aller chercher, je pense, une autre nouvelle finale ou voir un titre, quoi. Tim, Je sais pas, peut-être tu voulais réagir. Ouais, je pense déjà de la régularité au niveau des qualifications, quoi, parce que comme disait Corentin tout à l'heure, on discutait, il y a vraiment pas un top 6 qui se dégage chaque année, que ce soit pour les qualifications pour la Ligue des Champions ou même l'UEFA. Chaque année, ce sont vraiment des équipes différentes. On n'a pas des équipes qui sont habituées à jouer le haut niveau, comme on appelle ça, malgré que bon, Alexandria et Cluj ne soient pas forcément des grosses équipes sur le papier. Mais on a vraiment du mal à avoir des équipes qui sont habituées à ce niveau, à avoir cette expérience qui, finalement, est vraiment décisive, hein, dans ces compétitions européennes, hein, qui sont vraiment très, très, très, très serrées, quoi. Et qui manque de constance et du coup de sérénité en championnat, et du coup peut-être, ouais, qui grille des cartouches totalement aussi pour la Coupe d'Europe systématiquement. On va pas les plaindre, mais peut-être parce que justement ils sont pas encore assez haut niveau et les projets sportifs assez aboutis. Ouais, bien sûr, je suis à 100% d'accord avec toi. Je pense que en fait ce qui manque, cette régularité dont tu parles, et pour moi c'est le niveau médian du championnat. Je pense que la Ligue 1, c'est vraiment c'est un constat sans appel cette année, elle régresse. Cette année, c'est vraiment impressionnant. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elle régresse d'année en année. Et ce qu'on voit par rapport aux autres championnats, c'est que ça, c'est pas le cas ailleurs. On voit qu'il y a des équipes on voit les tendances qui se dégagent. On voit en Allemagne qu'il y a Dortmund qui est souvent qualifié, maintenant Francfort, bien évidemment le Bayern. En Espagne aussi, on a chaque année les mêmes équipes. Et ce qu'on voit, c'est que les clubs français sont moins bons sur les performances que les clubs ukrainiens ou serbes. Même s'ils ont moins de représentants, même si leur championnat peut être un peu inférieur au championnat français, ça n'empêche qu'ils sont quand même, ils ont quand même de meilleures performances. Et je pense que ce niveau médian en championnat qui ne fait que régresser, ça dégage pas les tendances au niveau du haut du classement. Ça habitue pas les clubs français à jouer aux joutes européennes, à se qualifier, à affronter les équipes avec une adversité qui est autre. Voilà, un style de jeu qui est différent quand tu vas jouer contre des équipes serbes, ukrainiennes ou. Ouais, tu sais que ça va rentrer là. Hein. Voilà, ça va rentrer. Ou quand tu joues contre des équipes latines, ça va jouer un peu plus technique. Et bah, les équipes s'affaiblissent et je vois pas de tendance qui s'inverse, quoi. C'est ça qui m'inquiète en fait. Et on a tout à penser qu'on aura sans doute aucune équipe française en Europa League, hors peut-être troisième place de Lille et Lyon, des champions, mais en tout cas jouable. Que Saint-Etienne et Rennes ne rejoindront la phase finale d'Europa League. C'est vrai que chaque année en Ligue 1 on devrait avoir le PSG, l'OM, Lyon, Monaco qui font vraiment un top 4, on a déjà parlé cette année, avec après derrière Lille qui suivrait, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier, et on devrait avoir tout le temps les mêmes qui squattent le haut du tableau, comme c'est dans les quatre grands autres championnats. Mais là, voilà, le gros problème, c'est que d'une année sur l'autre, Saint-Etienne tourne bien l'année dernière, là cette année presque ils jouent le maintien en Ligue 1, ils ont beaucoup de mal. Du coup, quand tu joues le maintien en Ligue 1, tu peux pas être performant non plus en Europa League. Bien sûr, c'est corrélé, c'est forcément. Tu laisses partir des points, et on a ce problème-là de des clubs qui font une bonne saison Nice l'avait fait aussi en se qualifiant en Europa League, et derrière limite il jouait le maintien. Donc on a vraiment ce problème là d'équilibrer sur plusieurs années un projet et de dire on va en Coupe d'Europe et ensuite on recrute pour performer en Coupe d'Europe et on progresse comme ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment aussi au niveau des clubs développer des projets sportifs sur le long terme, à voir avec les nouveaux investisseurs. Lille, bon, c'est encore prématuré, mais ça fait deux saisons qu'ils travaillent bien. Voir à Nice, parce que Nice a désormais un gros investisseur. Donc, le problème, c'est pas forcément un problème de budget, ça va être un problème de, avec cet argent, comment ils vont l'investir. On se rappelle Marseille quand il avait très mal à investir son argent. Je pense que Nice va avoir peut-être plus de budget. Lille est quand même bien parti pour faire des beaux achats à revente, mais ça peut se casser la gueule à tout moment comme Monaco. Voilà, à voir les projets sportifs qu'on va développer, mais c'est clair que si on développe pas et qu'une idée, faut avoir une vision au moins à moyen terme, sinon t'es mort. Le problème, c'est qu'on est trop souvent sur du court terme. Mais, voilà, mais après, il faut réfléchir aussi au long terme, parce que ce que tu soulignais tout à l'heure avec les clubs ukrainiens. Du moyen, ça minima, mais c'est ça, aussi c'est moyen peut-être au niveau de la formation des clubs français, hein, parce que quand tu regardes ces petites équipes là, qui font quand même des performances en Europa, ils ont beaucoup de joueurs du pays, quoi. Et ouais, mais nous aussi, c'est ça qui m'inquiète, quoi. Bah oui, mais après, ouais, c'est donc peut-être aussi au niveau de la formation et aussi certainement des recrutements qui sont peut-être pas. Ce qu'a dit Coco, c'est-à-dire la notion de projet, qui je pense c'est quelque chose d'assez abstrait en fait en France. Ouais. Quand on voit Monaco, leur épiphénomène qu'ils ont fait en 2016. Champions Project aussi. Hein. Ouais. Champions Project. Ouais, mais là, il n'y a même pas eu d'épiphénomène. Enfin, si, il y a eu la finale d'Europa League. Ouais, mais c'est une vague illusion. C'est un épiphénomène. Alors que par exemple, éphémère, c'est un épiphénomène. Tandis que l'Ajax a créé un vraiment. Parce que l'Ajax, c'est une institution. Mais alors, par contre, ça, pour faire ça, c'est très compliqué. Hein. Mais ils ont un centre de formation de folie, l'Ajax. Oui, mais là, les joueurs qui te sortent. On peut même pas dire que c'est un modèle. Enfin, pour moi, c'est très très compliqué. À part Lyon, je vois pas beaucoup d'équipes qui pourraient faire ça. Parce que c'est un truc, il faut se dire, on va cravacher sur un projet pendant 15 ans, quoi. Enfin, il faut une énorme stabilité, c'est quand même une décision qui n'est pas facile à prendre et je comprends que ça fasse peur aussi, mais c'est un pari qui peut être gagnant. Et tu peux avoir une équipe de jeunes du centre de formation avec 2-3 joueurs vraiment pro confirmés qui ont vraiment de l'expérience pour tirer tout le monde vers le haut, hein. Tu peux avoir des équipes comme ça. Regarde Dortmund, ils ont que des jeunes du centre de formation quasiment chaque année. Oui, ils font de la post-formation aussi. Ils en ont quand même moins cette année. Mais ils ont beaucoup de joueurs du centre de formation, Dortmund, hein. Quand tu regardes les joueurs qui sont sortis, Reus, Guze... Ça, on peut le faire. On peut le faire en même temps, s'il vous plaît. On peut le faire en France, il y a aussi l'idée de jeu. Je sais pas, si ce que va faire l'Ajax, c'est au-delà de ça, c'est réfléchir à comment développer les joueurs, un peu comme ce qu'avait fait le Barça. Comment développer un club footballistique aux joueurs. Ouais, voilà, c'est ça. De Ligt, ce qu'ils avaient fait à De Ligt, bon, là, le peu cher, je parle de lui, mais il est en difficulté. C'était très intéressant. Il avait surclassé pour le mettre en difficulté pour progresser. Enfin, c'est toute une pédagogie que je ne suis pas sûr qu'on ait en France. Après, je ne suis pas expert là-dedans, mais surtout. Pas la notion d'excellence en France. Voilà, je le dis. Après, il est vrai qu'au-delà de ça, bon, sur l'Ajax, c'est aussi un modèle particulier qui revient au goût du jour, mais qui a toujours été une institution. Après, il faut pas oublier que l'Ajax a perdu contre Nice il y a quelques années en Ligue des Champions, en barrage de Ligue des Champions. Mais pour moi, c'était plus un club endormi, alors qu'on a d'autres championnats. Mais on va pas développer beaucoup plus ce soir, malheureusement. Mais ce sera très intéressant d'en parler. Pourquoi pas même au travers d'un article ou autre sur notre groupe, le Café du Commerce, et d'échanger avec les auditeurs. Mais il y a des championnats qui progressent, je pense notamment au championnat autrichien, même s'il y a de l'investissement, mais avec des choix de recrutement intelligents, et le Red Bull Salzbourg qui a été performant en Europa League et qui est aujourd'hui un club qui se débrouille très bien sur sa première campagne avec le meilleur buteur européenne d'Europe, en Ligue des Champions, avec le meilleur Erving buteur d'Europe. Et tu peux ouvrir aux deux autres clubs autrichiens qui, je crois, sont actuellement, donc c'est Linz et l'autre, je serais incapable de le prononcer. Grâce. Non, c'est Wolf quelque chose. C'est quelque chose. Wolfsberg, non. Wolfsberg. Non, Wolfsburg, non. Non, Wolfsberg. Wolfsberg. C'est pas le même. Wolfsberg. C'est Wolfsburg en top budget. Et donc, ces deux autres clubs sont actuellement en phase de se qualifier en Ligue Europa aussi, quoi. Donc, c'est étonnant. C'est donc, en tout cas, effectivement, nous sommes un petit peu inquiets pour nos clubs français. Effectivement, l'écart devient de plus en plus grandissant avec notamment le Paris Saint-Germain et qui n'a pas tendance dernièrement à tracter les clubs français, mais qui peuvent s'en prendre quand même globalement qu'à eux-mêmes, à l'image de la défaite hier. Il y avait déjà 4-0 à la mi-temps contre le Paris Saint-Germain pour l'Olympique de Marseille d'André Villas-Boas. Tout le championnat français non plus. À part Mbappé, j'ai pas de cas similaire en recrutement interne, je veux dire. Ça pouvait être le cas par exemple à l'époque de Lyon, aux années phares, où ils recrutaient surtout en Ligue 1. Ouais. Ça a creusé le fossé. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais. Oui, mais après, c'est vraiment intéressant ce que tu soulignes là. Mais c'est pourquoi en France, on recrute pas des bons joueurs français, parce que tu vois, il y a des très bons joueurs à Reims, à Angers. Il y a toujours un ou deux individualités qui vont vraiment exceller l'équipe. Et là, on n'arrive pas à les recruter. Des clubs comme Marseille ou Lyon n'arrivent pas à recruter ces joueurs-là. Parce qu'ils sont devancés par les clubs étrangers. Après, à chaque fois que le PSG a tenté, ils ont foiré complet. Ben Arfa, si tu prends Krikoviak, il a fait encore l'Espagne avant, mais c'était un bon joueur à Reims et il n'a jamais réussi Hormis, Paris, il me semble, non ? Oui, hormis Paris. Messieurs, la question est posée en tout cas et on pourra en reparler. Je vois qu'effectivement, ça déchaîne les passions. On pourra en reparler avec Tariq également, qui est un passionné de Bundesliga et la Bundesliga qui pille grand nombre de talents français. On passe tout de suite au reste de l'actualité sportive. Surtout si vous voulez vous tenir au timing, messieurs, parce que sinon là nous n'en sortirons pas. Avec dans le reste de l'actualité, tout d'abord du rallye, avec le rallye de Catalogne en WRC, auteur du meilleur temps lors de la Power Stage et parvenant à récupérer la deuxième place du rallye à l'espagnol Dani Sordo pour seulement 4 dixièmes. Ott Tänak sur sa Toyota Yaris WRC a décroché ce dimanche le premier titre de champion du monde de rallye WRC de sa carrière à 32 ans, avec 6 rallyes remportés cette saison. C'est le Belge Thierry Neuville qui a remporté ce rallye de Catalogne, avant-dernier rallye de la saison des championnats du monde WRC. C'est la fin d'une hégémonie de nos deux Sébastien, nos deux Français, et notamment de Sébastien Ogier qui avait remporté les 6 derniers grands championnats du monde WRC. En F1 ensuite, nous avions également un grand prix et qui a été remporté, celui-ci au Mexique, par Lewis Hamilton qui décroche sa 83e victoire lors de ce grand prix devant l'Allemand Sebastian Vettel et son coéquipier finlandais Valtteri Bottas sur sa Mercedes. Ce beau résultat déjouant même une partie des pronostics, sachant que Hamilton ne pensait pas être capable d'aller plus vite sur le circuit mexicain que les Ferrari, ne permet pas pour autant à Hamilton de décrocher pour le moment sa 6e couronne en championnat du monde. Ce n'est que partie remise, hein. Il me semble, c'est les points pris par son coéquipier Valtteri Bottas qui ne le permettent pas. Il a tout de même du coup remporté ce Grand Prix et il est parvenu à battre les monoplaces Ferrari de Vettel et Leclerc qui terminent respectivement 2e et 4e. Côté français, malade lors des qualifications et 10e sur la grille de départ, Pierre Gasly s'est classé finalement 9e dans un Grand Prix difficile mais où il rentre dans les points. Difficile en ce moment également pour Romain Grosjean qui a terminé un 7e Grand Prix consécutif sans parvenir à se hisser dans les points, seulement 17e. En MotoGP, la saison est presque derrière nous, sachant que Marc Marquez est déjà champion du monde, mais il continue sa promenade de santé avec une nouvelle victoire, sa 55e victoire en MotoGP. Il dépasse Mike Doohan et n'a plus désormais devant lui que Valentino Rossi et Giacomo Agostini. Il s'agit également de sa 11e victoire cette saison, alors qu'il reste 2 épreuves à disputer. Côté français, Fabio Quartararo a malheureusement chuté sur ce Grand Prix, et le français Yuan Zarco, remplaçant de Nakagami jusqu'à la fin de saison sur la Honda du team LCR, s'est classé 13e. En ski alpin, ce week-end constituait également le coup d'envoi de la saison 2019-2020 avec la première manche des championnats du monde, comme de coutume à Solden en Autriche. Force est de constater que les Français ont brillé pour ce début de saison en slalom géant, ne se cachant pas face à la concurrence dans une année qui ouvre la porte à la succession de Marcel Hirscher, le maître du circuit de la Coupe du Monde, qui avait surpris son monde en annonçant sa fin de carrière il y a quelques semaines à la télévision autrichienne. D'abord samedi, la Française Tessa Worley a pris la 3e place du slalom géant de Solden, dominée par une sensation, la jeune néo-zélandaise Alice Robinson, seulement 17 ans, et qui a battu la reine de la discipline, Michaela Schifrin, l'américaine vainqueur des derniers gros globes de cristal de la Coupe du Monde. Enfin dimanche, cocorico pour nos Frenchies, Alexis Pinturo, impressionnant de maîtrise sur les deux manches, a remporté le géant de Solden devant un autre Français, Mathieu Fèvre, 7e podium en Coupe du Monde, qui semble retrouver des sensations pour cette nouvelle saison, et le Slovène Zan Kranjec à 63 centièmes, le Norvégien Henrik Kristoffersen, principal challenger des Français et ancien rival d'Hirscher, a terminé loin du compte, 18e. Pintu prend ainsi 87 points d'avance, à savoir que jamais les Français n'avaient signé un doublé sur le glacier autrichien, même si Fèvre et Pinturo l'avaient déjà réalisé au Japon il y a près de 3 ans. 24e victoire en carrière pour Alexis Pinturo, de bon augure pour la suite de la saison, lui qui avait terminé la saison avec une victoire déjà sur le slalom géant de Soldeu en Andorre lors des finales. Enfin, dernier sport à évoquer avant de prendre notre première pause musicale cette semaine, c'était la NBA. On en a fait le teasing la semaine dernière et on a eu la première semaine avec des premiers enseignements et des faits marquants de la semaine outre-Atlantique. Dans la nuit de mardi à mercredi, c'était l'ouverture de la saison et les champions en titre et les Canadiens des Toronto Raptors ont reçu leur bague de champion de la part d'Adam Silver, patron de la NBA, pour un succès face aux New Orleans Pelicans 130-122 avec notamment 34 points de Fred VanVleet et 34 points d'Isurobon pour l'inévitable Pascal Siakam. L'autre événement, c'était le match entre les Clippers et les Lakers en ouverture de la saison. Et victoire lors de cette première bataille de LA pour les Clippers du MVP des finales 2019, Kawhi Leonard, 112-102. La semaine a été aussi marquée par la déroute lors des deux premières rencontres des Golden State Warriors de Stephen Curry, dont l'équipe a beaucoup changé avec des défaites face aux Clippers, lourdes tout d'abord 141-122, surtout cette nuit, défaite hallucinante contre la faible équipe quand même cette année, il faut le dire, le papier, ouais, qui du Thunder d'Oklahoma City. Qui a été affaibli, c'était ouais. Plus de 40 points à la mi-temps. Plus de 40 points à la mi-temps, c'est assez hallucinant. Un homme pour moi de la semaine, vous me direz si je me trompe et ce sera votre dernier mot sur les résultats, pour moi c'est Kyrie Irving malgré les défaites des Brooklyn Nets. Il est le joueur de la semaine avec notamment une performance majuscule face aux Timberwolves en tête de la conférence Ouest après 3 victoires, 3 victoires en 3 matchs. 50 points, 8 rebonds, 7 passes et encore 37 points hier soir face à Memphis. Kyrie Irving a décidé de marquer son territoire pour son arrivée à Brooklyn. Pour autant, ce que je me notais, c'est que c'est une première semaine, zéro enseignement pour le moment, alors qu'il y aura 82 matchs dans la saison. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver la NBA, n'est-ce pas, messieurs? Ouais. Ça fait plaisir. Et Kyrie Irving, il a de suite mis la barre très haute, même sans Kevin Durant. Cette année, les Nets seront pas faciles à jouer, même s'ils ont perdu hier soir au buzzer. Ça sera une très belle équipe. Ils avaient perdu en prolongation aussi le premier match. Donc. Il fait des grosses stats, c'est vrai que ouais, même dans la défaite, il est là, il est présent. Après, ça sera à ses coéquipiers de step up et de monter un peu leur niveau. Eh bien, écoutez, on suivra ça avec attention. Surprise de ce début de saison, mais il n'y a eu que 2 à 3 matchs pour les équipes. Minnesota est en tête de la conférence Ouest et Atlanta, du rookie de l'année dernière, Trae Young, est en tête de la conférence Est. Ça aurait pu être aussi lui aussi le joueur de la semaine. Et ça aurait pu également être celui-ci le joueur de la semaine, tu as bien raison. Mais écoutez, tout de suite, messieurs, nous prenons notre première pause musicale dans notre programme rythmé qui nous accompagnera jusqu'à 20h20 et on fait l'honneur à l'Angleterre. C'est un petit peu la spécificité de cette semaine au niveau des sons. Vous verrez le second son, ce sera un son pour l'Afrique du Sud, finalise la Coupe du Monde 2019 au Japon avec le titre English Rose d'Ed Sheeran. Across the sea, by the Tennessee skyline, they told me I'd find my hopes and my dreams, but I long to be in the bed of my true love. Back where I came from, she's waiting for me. So I'll make my way through long winding country roads, but my heart still beats for my home and my English rose. I told my dad on the phone, it's amazing. From the straight to the crazy, these places I've seen. But I long to be in the arms of my true love. Like he loves my mother, he understands me. I'll spend my days just traveling and playing shows, my heart still beats for my home and my English rose. In a bar down in Memphis, he told me he went there to follow his dreams. He told me, son, You know I lost my true love for the same exact reason that you crossed the sea. And I found truth in people I barely know. But my heart still beats for my home and my English rose. Oh, my heart still beats for my home and my English rose. Oh, my heart still beats for my home and my English rose. Et de retour dans Sport and Chill sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM, c'était le titre English Rose de Ed Sheeran sur son premier album Multiply. Et on se retrouve pour les résultats montpelliérains, c'est rare après une pause musicale, mais c'est la spécificité de cette nouvelle émission. Tout de suite, jingle Sport Montpellier. Sport and Chill, le sport montpelliérain. On reviendra sur un focus sur nos Vipers de Montpellier, mais tout d'abord dans l'actualité sportive, un bilan très positif. Dans une semaine où plusieurs de nos clubs montpelliérains étaient de relâche, on avait 7 rencontres cette semaine pour un bilan de 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. On peut être plutôt content. Le MHB et le MHR étaient notamment de repos cette semaine, donc parmi nos équipes un petit peu phares que nous avons dans la ville. Tout d'abord, un premier club dont on a parlé plus tôt, je me rappelle, avec un focus qu'on avait fait avec Corentin et Jules, le MCVUC, après 2 défaites inaugurales face à la Rogue 7 et les Spacers de Toulouse, les volleyeurs montpelliérains ont définitivement lancé leur saison. On s'était quitté la semaine passée sur une victoire à domicile avec une performance aboutie face à Paris 3-7-1. Le MCVUC d'Olivier Leca a récidivé cette fois-ci à l'extérieur à Poitiers sur un score net et sans bavure, 3-7-0. La saison est lancée. Après 4 journées, le MCVUC est 6ème du championnat de France avec 6 points ex-aequo avec Narbonne, Toulouse et Ajaccio. Narbonne qui sera d'ailleurs leur prochain adversaire. La Rogue 7 est actuellement deuxième derrière Cannes à égalité de points, 9 points avec Tourcoing. Le BLMA pour la deuxième journée d'Euroleague féminine, les Gazelles ont dominé à l'extérieur l'équipe polonaise d'Arka Gdynia, double finaliste de l'Euroleague en 2002 et 2004. Une magnifique performance qui permet aux Latoises d'ouvrir leur compteur de victoire dans la plus grande des compétitions européennes. Magnifique performance de leur part. Cette rencontre aura permis aux joueuses du BLMA de faire le plein de confiance avant de recevoir le Dynamo Koursk, finaliste de la dernière saison d'Euroleague à domicile au Palais des Sports de Latte cette semaine. Latte Montpellier est 6ème du groupe B après 2 journées dans un groupe dominé par le Dynamo Koursk et où l'ASVEL Lyon se classe 3ème. On peut le dire, la saison d'Euroleague part plutôt sur de bonnes bases pour nos joueuses du BLMA qui sont allées remporter, Jules, un beau match à l'extérieur face à cette équipe polonaise. Ouais, ça va être compliqué quand même pour elles cette année qui découvrent un petit peu cette compétition, qui reviennent. En plus, vu la poule qu'elles ont, ça va être compliqué quand même de passer. Mais là, elles auront un premier vrai test, un autre vrai test à domicile contre Koursk, comme tu disais. Donc, elles ont rien à perdre dans ce genre de match. Elles sont championnes en titre en face. Il faut juste tout donner. Il faudra tout donner et ce sera un des beaux rendez-vous qu'on aura dès ce week-end, même dans le courant de la semaine, je vous rappellerai la date dans l'agenda 100% montpelliérain. Le MHSC, on va pas rentrer dans le détail cette semaine, vous allez comprendre vite pourquoi. Le Montpellier Hérault a concédé un match nul 0-0 sur sa pelouse du stade de la Mosson ce samedi face à Angers pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Ce résultat constitue un nouveau coup d'arrêt en Ligue 1 pour les Montpellierains qui ne sont pas parvenus à enchaîner 2 victoires consécutives depuis avril 2019 et qui restaient sur 4 victoires d'affilée à domicile face à Lyon, Nice, Nîmes et Monaco. C'était la première titularisation de TJ Savanier. C'est à peu près tout ce qu'on retiendra de ce match où Gaëtan Laborde a touché le poteau et n'est toujours pas parvenu à ouvrir son compteur, mais on espère pour notre attaquant montpelliérain que ça arrivera très vite sur les pelouses de Ligue 1. Montpellier a également été sauvé à plusieurs reprises par son gardien argentin Geronimo Rulli, qui est l'une des grandes satisfactions du début de saison montpelliérain. Après ce match nul à la Mosson face au SCO d'Angers, le MHSC est 10ème de la Ligue 1 avec 15 points. Les féminines de Montpellier, après 7 journées, elles sont pour la peine 3ème du championnat. 5 victoires un nul, une défaite avec 16 points derrière l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain en tête du championnat avec 21 points en 7 matchs et qui s'est imposé ce week-end face à l'Olympique de Marseille comme les garçons 5-0. Lors de la 7e journée de D1 féminine, les Montpellierennes sont imposées samedi face au Paris FC de Gaëtan Tinet 5-2 alors qu'elles étaient menées 1-0 avec un but dès la 5e minute. Sakina Karchaoui, l'international, était notamment auteur d'un grand match. Triplé également pour l'international Valérie Gouvin, un but pour la néerlandaise Anouk Dekker à la 39e minute et un dernier but marqué, qui n'était pas le dernier d'ailleurs parce que les deux derniers sont marqués par Valérie Gouvin, mais par Lena Peterman à la 84e minute. Elles enchaînent ainsi une deuxième victoire de rang après la dernière victoire face au FC Metz. Le MWP, ce sera notre avant-dernier club de la semaine, a réalisé une performance un peu plus en dedans. C'est notre seule équipe qui a perdu cette semaine, mais face au double champion de France en titre, défaite en Alsace à Strasbourg 8-7. Oui, Strasbourg, meilleure équipe de France en waterpolo, ça peut être surprenant. Première défaite de la saison pour le Montpellier Waterpolo qui est 3e derrière Pays d'Aix Natation, prochain adversaire, et le Cercle des Nageurs de Marseille. Il dispose de 9 points après 4 journées. Je disais avant dernier club, en fait j'en oublie un, c'est le MRC, mais le MRC comme de coutume, j'ai envie de dire, s'est imposé sans prendre le bonus cette fois-ci, mais 31-10 face aux secondes qui sont Bobigny, le club francilien. Elles sont premières de la poule 1 avec 29 points pris sur 30 possibles, devant Bobigny à 19 points et l'AS Bayonnaise également 19 points. Dernier club du coup dont je voulais parler cette semaine, c'est un club qu'on avait reçu l'année dernière dont on n'a pas parlé depuis le début de l'année. C'est le club de kayak polo. Il y avait la Coupe de France du côté de Saint-Omer. J'ai pu suivre ça grâce à leur compte Twitter et je leur avais dit que je ferais part de leurs résultats, donc ce sera chose faite. Ce week-end, lors de cette Coupe de France, les résultats pour nos équipes. L'équipe de Montpellier est allée en finale chez les hommes et a été défaite face à Condé-sur-Vire. Défaite en finale 4-3 après s'être qualifiée en finale suite à un but en or 2-1 contre Agen. Enfin, les femmes, les Montpellierennes, sont parvenues à finalement décrocher la médaille de bronze et la 3e place du tournoi, donc félicitations à notre club de kayak polo qui a de nouveau porté haut les couleurs de la ville de Montpellier et du MUC. Je vous invite à aller les voir et à découvrir cette équipe dans ce sport assez inédit que beaucoup de monde ne connaît pas mais qui est très intéressant à voir jouer. Dernier événement avant de faire notre focus sur les Vipers, il y avait un événement régional, c'est le Rallye des Cévennes qui a vu la victoire de Johan Bonato dans cette 61e édition de ce rallye historique, mais c'est Johan Rossel qui termine deuxième, qui remporte le championnat de France à la suite de cette manche qui clôt la saison. Donc un bel événement que ce Rallye des Cévennes qu'on suit tous les ans, qui amène beaucoup de monde, donc c'était l'occasion de mettre un coup de projecteur mérité. On passe à notre focus sur les Vipers. Je vais donner la parole à Jules. Les Vipers qui ont eu un début de saison difficile mais qui l'ont enfin emporté ce week-end à la patinoire Vegapolis contre Chambéry. Ils sont en train de remonter la pente petit à petit. C'est vrai qu'on avait reçu l'an passé Stéphane Gros et Arthur Montenoise, qui étaient Stéphane Gros entraîneur et Arthur Montenoise défenseur des Vipers. Ces deux hommes-là qui ne sont plus à Montpellier actuellement, puisque Stéphane Gros est parti à Morzine-Avoriaz en division en dessous, retrouver un poste de coach, alors que Arthur Montenoise est parti, lui, chez les Jokers de Cergy Pontoise, dans la même division que Montpellier. L'an passé, pour leur retour en D1, ils avaient dû passer par une poule de maintien en compagnie de Montblanc, La Roche-sur-Yon et Chambéry. Ils avaient réussi à se maintenir en compagnie des éléphants de Chambéry. Une équipe de Chambéry qu'ils recevaient ce week-end à Vegapolis. Les Vipers avaient impérativement besoin d'un succès après un début de saison catastrophe avec 5 défaites en autant de matchs. Grâce à leur gardien tchèque de 24 ans, Dvorak Tadeas, auteur de 29 arrêts et donc d'un blanchissage comme on dit en hockey, terme canadien, donc une clean sheet, il a pris 0 but. Montpellier s'est imposé 3-0. Les buteurs sont Kubus, Delplanque et Martinec. Ce bon résultat couplé à la bonne prestation en Coupe de France à Anglette qui est en Ligue Magnus malgré la défaite dans la semaine laisse entrevoir un renouveau pour les Vipers qui ont mis à l'écart leur coach Dusan Brinko qui avait pris la succession de Stéphane Gros en début de saison. Et donc ils ont laissé les rênes au Letton Raymond Danilit, un ancien joueur du club qui était là depuis 10 ans, qui du coup a repris en main le club au niveau du coach cette année. Période un petit peu turbulente pour les Vipers, mais oui, Corentin, juste, première juste victoire. Jules, on est très loin de la zone de maintien ou... Là, et du coup, ils sont plus derniers. Ils sont avant-derniers, 13e. On sait que les quatre derniers dans cette division, ce que Montpellier avait été l'an dernier, se retrouvent dans des poules de maintien où, avec leur confrontation directe, ils ont un certain nombre de points. D'accord. Là, ils ont laissé la dernière place à Brest. Mais ils sont encore, ils sont encore dans le bas du tableau. Ça va se jouer peut-être en play-off. Quoi. C'est la première victoire après 7 rencontres. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que Brest est fait encore pire. C'est la première victoire après 6 rencontres. 6 rencontres. C'est la 6e rencontre. Ouais, je leur en ai rajouté une défaite, c'était pas sympa. Équipe en tout cas qui est en train de reprendre un petit peu confiance, qui a eu des turbulences aussi visiblement derrière elle, notamment beaucoup de joueurs, les entraîneurs, les joueurs qui sont partis. Beaucoup de joueurs sont partis à l'intersaison, donc on a un renouvellement de l'effectif. Ce qui montre, c'est vrai que Stéphane Gros l'année dernière nous avait parlé d'un projet qu'il avait un petit peu au niveau de la formation dans ce club-là. Et qui, au final, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, il est parti dans un autre club d'un commun accord avec les Vipers. Donc là, c'est un nouveau projet qui doit se mettre en place. Et dans un premier temps, ça sera le maintien, je pense, en Division 1. Et après voilà de gagner contre des équipes comme Chambéry qui certainement joueront le maintien en fin de saison, c'est des matchs qui sont importants à prendre, surtout qu'on le rappellera effectivement pour l'agenda 100% Montpellier, mais je sais que Montpellier joue lors du prochain match Clermont-Ferrand et a deux matchs à jouer cette semaine contre des équipes qui sont potentiellement, c'est Cholet la deuxième, mais notamment Clermont-Ferrand est juste devant nous, donc c'est à l'extérieur, mais c'est un match qui sera éminemment important pour notre équipe des Vipers de Montpellier qui devra essayer d'enchaîner un cycle de victoires pour pouvoir croire au maintien et remonter au classement. Messieurs, c'est la fin de notre page dédiée au sport montpelliérain. Bilan quand même plutôt positif à l'image de cette première victoire des Vipers pour lesquels on espère le meilleur pour la suite de la saison. On va enchaîner sur notre débat de la semaine tout de suite. Messieurs, jingle, débat de la semaine. Sport and Chill, le débat de la semaine. Et un débat de la semaine qui va concerner le tennis. Et c'est vrai que le tennis est un sport phare déjà du paysage sportif mondial et national. Et puis de Sport and Chill, depuis ses débuts, on parlait beaucoup de tennis. Et sur ce début de saison, mais c'est aussi l'actu qui a fait ça. Nous n'avons pas beaucoup parlé de tennis, mais là on rentre dans le money time de cette fin de saison. Donc on voulait mettre un bon coup de projecteur sur le tennis. Et j'avais posé une petite question, c'était le tennis. Une fin d'année 2019 palpitante, vraiment. Sur cette saison, justement, comment toi déjà tu aborderais le sujet du soir, Tim, et qu'est-ce qu'il y a à retenir et à suivre sur cette fin de saison ? Alors, je t'avoue que moi je me suis un tout petit peu réapproprié la question, mais tout en gardant le fond, j'ai juste en fait j'aurais souhaité en tout cas commencer par une rétrospective 2019 pour contextualiser un petit peu. Bien sûr. Et ensuite terminer par perspective, état des lieux avant Bercy et les Masters, si tu me le permets. Du coup, je commencerai par la rétrospective. C'est même plutôt pas mal pour nos auditeurs. Pas mal de poser le cadre et puis ensuite. Eh bien écoute, thèse, antithèse, synthèse, t'es parti. Exactement. Et du coup, pour la rétrospective 2019, on a eu une année 2019 en somme toute riche en émotions et un niveau de jeu qui est toujours aussi impressionnant, qui est dû en grande partie, il faut le dire, au Big Three, donc à savoir Djokovic, Federer et Nadal, qui malgré leur âge vieillissant continuent de performer et truster les places finales des principaux tournois. En termes de stats, ça se traduit concrètement en termes de grand chelem. Les 4 grands chelems ont été remportés par Nadal et Djokovic, donc 2 des membres du Big Three. Plus précisément, sur les 8 finalistes possibles, puisque 4 grands chelems automatiquement 8 finalistes, on a eu que 2 finalistes hors Big Three qui sont Medvedev et Dominic Thiem. Je rappelle Thiem à Roland Garros contre Nadal et Medvedev contre Nadal à l'US Open. En ce qui concerne les Masters 1000, donc vous le savez, la deuxième catégorie de tournoi la plus importante derrière les Grands Chelems, qui rapporte donc 1000 points à l'ATP, c'est assez équilibré. Il y a eu pas mal de vainqueurs différents, notamment Thiem qui s'est imposé à Indian Wells contre Federer, Roger qui avait gagné à Miami contre Isner, Fognini qui avait gagné en surprise à Monte Carlo contre Lajovic, Djokovic qui s'était imposé à Madrid contre Tsitsipas, à Rome Nadal avait enfin remporté son premier titre sur terre contre Djokovic, et puis ensuite ça a été la révélation Medvedev, puisque sur les 3 derniers Masters 1000 de la saison, Medvedev fait 3 finales et puis il gagne 2 fois. Je rappelle qu'il fait une première finale à Montréal contre Nadal où il perd, et puis ensuite il s'impose 2 fois à Cincinnati contre David Goffin, puis en finale récemment à Shanghai contre Alexander Zverev. Et au final, on voit que sur les titres remportés en 2019, Medvedev et Nadal sont quand même au-dessus du lot, puisque deux Masters 1000 chacun. Après, bien sûr, Nadal a deux grands chelems, Medvedev 0, mais Medvedev fait une finale. Djokovic, c'est aussi deux finales de Masters 1000, dont un remporté et deux grands chelems remportés. Donc, si je puis mettre trois joueurs en avant, ce serait ceux-là. Après, il faut quand même aussi souligner la longévité de Roger Federer qui, à 38 ans, se permet encore de faire une finale à Wimbledon et puis d'emporter 4 titres cette saison, dont un récemment à Bâle. Ça vous a pas échappé, son 10e titre à Bâle. Mais voilà, je voulais quand même insister sur Dani Medvedev, qui est un joueur qui me fascine parce qu'il a une ascension assez fulgurante. Ce garçon n'a que 23 ans. Il a fait 6 finales consécutives là à Shanghai. Ça veut dire que là, sachant qu'il ne s'est pas aligné sur Vienne ni... Ni Bâle, il peut faire 7 finales d'affilée s'il va en finale à Bercy, bien sûr. Mais c'est un garçon qui a une progression complètement hallucinante, qui semble imperturbable. Et c'est le joueur à avoir remporté le plus de matchs cette année. Tout tournoi confondu, c'est celui qui a remporté le plus de matchs cette année. Donc ça veut dire que c'est aussi lui qui s'aligne sur le plus de tournois. Mais ça veut dire que dès qu'il s'engage dans un tournoi, c'est celui qui va le plus loin. Donc 6 finales consécutives, je rappelle juste que le record est à 17. Voilà, ça vous sépare un peu le niveau de record de co-détenu par Roger Federer et Djokovic. Donc lui-même a avoué qu'il ne serait jamais battu. Mais si on regarde un petit peu la tendance de l'année 2019, on voit qu'il y a les vieux briscards sont là. Nadal, Federer, Djokovic sont toujours autant omniprésents. Ça se voit au niveau des grands chelems. Voilà, Nadal, Djokovic qui privatisent un peu le reste du circuit ATP. Mais hormis Medvedev qui s'est un petit peu dégagé, je trouve qu'on commence à avoir une next-gen qui commence à véritablement éclore. On sentait qu'il y avait des prémices la saison passée, mais cette année on sent que ça se concrétise véritablement. Hormis Medvedev, je trouve que Tsitsipas continue de progresser. Une stat qui est parlante pour lui, c'est qu'il a battu chacun des membres du Big Three cette année. Il a battu Djokovic, il a battu Nadal, il a battu Federer. Djokovic et Nadal dans un Masters 1000 et Federer à l'Australian Open. Donc c'est une stat qui est parlante pour lui. Puis c'est une première demi-finale pour lui à l'Open Australie. Ça prouve qu'il prend des galons. J'oublie pas Dominic Thiem, même si Dominic Thiem c'est pas vraiment la next generation parce qu'il a 26 ans, c'est quand même un joueur confirmé. Mais j'ai envie de le souligner parce que c'est un joueur dont on a tendance à réduire sa performance sur terre battue, alors que cette année il remporte 4 titres, dont 3 sur indoor, dont le dernier en date à Vienne. À Vienne, chez lui en plus. Chez lui, à domicile. Exactement. Belle victoire. Pense qu'il a progressé. Il a, au niveau de son jeu, il a peut-être changé quelque chose. Il prend peut-être la balle plus tôt. Et je trouve ça intéressant. Et je suis obligé aussi de souligner un nom qui sûrement parlera pas beaucoup, mais qui s'appelle Matteo Berrettini, qui est un Italien qui a 23 ans, qu'il y a un an personne ne connaissait, et qui intègre cette semaine le top 10. Il est 9e mondial, il a fait demi-finale à l'US Open, et c'est un garçon qui ne cesse de progresser. Donc voilà, on voit qu'il y a des nouveaux noms qui commencent à éclore. Après, pêle-mêle, Rublev, Alex de Minaur, l'Australien, ont été intéressants. Félix Auger-Aliassime, dont on avait parlé, je sais pas si tu te souviens, oui, bien sûr. Qui est un des jeunes Canadiens. Voilà, le jeune Canadien qui est un des joueurs à avoir fini finale de ATP le plus jeune à ce titre et qui continue de progresser. À l'inverse, je trouve que Alexander Zverev m'inquiète beaucoup. C'est un garçon dont on parle depuis maintenant 2-3 ans et je trouve qu'il ne progresse plus, si ce n'est qu'il ne fait que décevoir. Hormis sa finale à Shanghai contre Medvedev, il a traversé cette année comme un fantôme, j'ai pas peur de le dire. Je voudrais aussi souligner Khachanov, qui est un joueur que j'aime beaucoup mais qui pour moi ne progresse plus, qui a été le vainqueur l'année dernière du Masters de Paris-Bercy. Exactement, ça va jouer beaucoup pour lui parce qu'il aura 1000 points à défendre là dans cette semaine. Et après, pêle-mêle, je vais être obligé d'accélérer, mais Goffin revient assez bien. On sait que c'était un joueur qui en 2016 avait fait finale du Masters contre Andy Murray, qui a été incroyable en Coupe Davis et puis ensuite a une grosse blessure, là il revient très bien. Wawrinka qui est sur courant alternatif, et après voilà, Andy Murray, on est obligé de le souligner, qui est un joueur qui a une blessure à la hanche, qui était absent des terrains pendant quasiment un an et demi et qui a remporté son premier titre à Anvers. Voilà, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez retenu cette saison 2019, qu'est-ce qui vous a marqué et aussi quel est pour vous le plus beau match de cette année 2019, ça m'intéresse. Ah là, on arrive sur des questions, la dernière question qui sera peut-être pas évidente pour tout le monde mais qui est super intéressante, ouais. Parce que justement des beaux matchs de tennis et on en a, mais il y en a eu pas mal, hein. Et si y en a eu pas mal dans l'année en plus. Donc c'est pas forcément évident d'en retenir qu'un. Pour autant, effectivement, c'est une année, comme tu le soulignais, particulière, un peu de transition, mais transition où on a toujours ce Big Three incroyable de longévité, une longévité même rare au-delà du tennis dans le sport mondial, avec Rafa Nadal qui est en tête du classement ATP avec Novak Djokovic et Roger Federer toujours là à son âge et qui enchaîne les victoires et et pas que sur ses surfaces de prédilection, qui ose revenir aussi sur d'autres surfaces. Il s'est aligné à Roland-Garros, on rappelle. Et qui a annoncé qu'il serait présent à Roland-Garros. Mais qui sera forfait à Bercy, par contre, je rappelle. Mais forfait à Bercy, comme d'ailleurs je l'ai relayé avec notre compte Twitter pas plus tard qu'aujourd'hui. Malheureusement, on se fera bien sûr. On sera bien triste de ne pas avoir le retour de Roger à Bercy. C'est pas une grande surprise. Mais c'est pas si surprenant. Et derrière, justement, quand on regarde le classement ATP, on a cette liste de noms. Moi, sur les satisfactions de cette saison et nouveautés, je retiens bien sûr Daniil Medvedev, qui est numéro 4 mondial, qui termine cette saison en boulet de canon, qui sera vraiment intéressant à suivre dès cette semaine et aussi au Masters ATP Finals. Sachant qu'il a 0 points à défense sur les deux tournois. En prime. Donc, du coup, il a une marge de progression aussi au classement ATP sur la fin de saison qui est assez exceptionnelle et qui pourrait lui permettre d'intégrer le podium. Et de prendre la troisième place à Roger. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur russe aussi intéressant depuis Marat Safin, j'ai peur de le dire. Peut-être Davidenko avant. Et par contre, justement, sans revenir sur l'inventaire que tu avais fait, qui était bien fait, que je ferais peut-être moins bien, mais ma grosse déception aussi, ce serait quand même Alexander Zverev, certes toujours dans le top 10, mais je trouve qu'il ne passe pas de cap. Je sais qu'autour de la table, tout le monde n'est pas amateur de tennis, mais ça n'empêche pas de commenter. Jules, peut-être ton regard sur cette saison ATP. Moi, je voudrais revenir sur les Français. Qu'est-ce qui se passe C'est ce qui nous intéresse. Pour m'intéresser à un sport, j'aime bien qu'il y ait des Français, des porte-drapeaux un petit peu, et en ce moment le tennis français, enfin de loin en tout cas, je vois que le tennis français est assez en difficulté. On en a plus qu'un dans le top 20 ATP, si je me trompe pas. Je crois que Lucas Pouille est sorti, il doit être 21ème, il était 19ème, je sais pas s'il n'est pas 21ème. Ouais, top 20, alors c'est qui le top 20? Tiens, c'est presque un quiz. Gaël Monfils qui est 12ème, qui peut encore se qualifier pour le Master si jamais fait une perf à Bercy, mais ouais, les Français, je voulais pas trop en parler. Je pense qu'il y a un gros désastre actuel. Je compte recarrer l'argumentaire en disant que il y a une Française qui a gagné le Masters Junior, qui s'appelle Coraline Paris, je crois. Oui, c'est ça, qui avait passé un tour à Roland-Garros cette année, si je ne me trompe pas. Et voilà, hormis ça, en tennis féminin, au niveau de la next-gen, on est assez limité. À voir ce que fait un Hugo Humbert ou un Corentin Moutet, mais j'y crois pas trop. Mais là, en tout cas, actuellement, c'est. Il y a Gaël Monfils qui surnage un petit peu, mais je n'ai pas ses blessures. Mais après, le reste, c'est très décevant, quoi. Mon fils, il risque peut-être de se re-blesser certainement dans la saison, quoi, parce qu'il a vraiment une cheville fragile. Hein. Apparemment, ouais. Ouais, donc du coup, on est quand même vraiment face à un creux. On se rappelle de cette demi-finale Open d'Australie que nous avait fait Lucas Pouille, mais justement, on parlait de nos clubs de Ligue 1 au football. Ouais, on peut souligner aussi le quart de finale de mon fils contre Berrettino. Il est pas loin de passer, mais voilà. face à cet Italien. C'est sans problème le Français qui surnage cette année dans le tennis français. Et malheureusement, on peut se dire effectivement que c'est le seul qu'on peut retenir. D'autant plus que cette saison porte la fin de la Coupe Davis, qui était peut-être au tennis justement la seule compétition sur les dernières années où la France performait, donc c'est difficile pour nos Français. Ok, du coup pas de match vraiment qui vous a un match référence, ça m'aurait intéressé, mais j'ai pas la compétence. Okay. T'as pas la compétence. Je sais même pas si j'ai regardé 3 matchs de tennis cette année, donc je suis désolé. Ça n'a lu que des articles. C'est arrêté là. Quand même, vous avez le match Medvedev-Nadal en finale de Spain, c'était assez incroyable. Je pense que vous auriez pu citer celui-là. C'est celui que moi j'allais te citer. Pour moi, s'il y a un grand match de cette saison, c'est quand même celui-là. Plus, qui met en évidence pour moi deux grands bonhommes de cette saison. Qui met en lumière un futur talent et une icône du sport. Et une icône du sport avec Rafa Nadal. Et puis voilà, un match qui a été exceptionnel par son scénario, où beaucoup de monde, justement, pour le grand public, a vraiment découvert Daniil Medvedev et pouvait penser que cette finale serait facile pour Rafa Nadal, surtout lorsqu'on voit les deux premiers sets de cette finale. Combien aurait lâché au troisième et se serait fait découper beaucoup. Et je pense que du coup, c'est un match déclic dans la carrière aussi Daniil Medvedev. Tu veux bien le souligner, c'est clair. Et qui monte justement tout aussi au-delà de ses qualités de force mentale de ce garçon. D'autres matchs peut-être pour toi, moi j'en avais un autre qui a été assez exceptionnel, c'était Tsitsipas contre Wawrinka Roland Garros. Plus beau match du tournoi sans problème, et je t'aurais cité celui-là. Ce serait tes deux matchs Enfin, je pense que c'est quand même ce serait intéressant éventuellement d'avoir le regard d'autres auditeurs ou anciens chroniqueurs sur ces matchs de la saison, mais s'il fallait en retenir que deux, pour moi deux, troisième je peux t'en citer plein, mais je mets vraiment ces deux là au-dessus. Pour ce qui est des forces en présence et attentes pour ce Masters 1000 de Bercy et Masters, Je rappelle le tournoi des maîtres qui aura lieu pour sa dernière année à, dans l'O2 Arena à Londres. Ben voilà, le classement ATP qui, contrairement au tennis féminin, est plutôt fiable. C'est-à-dire que les 4 premiers sont vraiment les 4 favoris. Même si là, je suis obligé d'enlever Roger Federer puisqu'il est forfait. Mais je pense que vraiment Nadal, Djokovic et Medvedev font figure de favoris vu leur niveau de jeu affiché et surtout leur, voilà, leur capacité d'adaptation sur, sur une surface indoor. Je pense surtout à Nadal qui a démontré ces derniers temps que sur surface rapide il était encore très performant, voire peut-être même plus qu'il y a 2-3 ans, ce que je trouve intéressant. Après, en quatrième, enfin en tout cas si je devais mettre un outsider, je mettrais peut-être Dominic Thiem qui finit cette année très bien et comme je le disais qui s'est vraiment s'est adapté à cette surface rapide, qui prend la balle plus tôt et qui je trouve est beaucoup plus agressif qu'avant. Il joue moins loin de sa ligne de fond et qui a une force mentale incroyable. Il gagne beaucoup de matchs en 3-7, ce qui n'est pas négligeable non plus dans des tournois aussi importants que celui-là, dans les Masters 1000. Donc moi je mettrais ces 4 en avant. Après avoir un Tsitsipas qui peut toujours avoir qui peut toujours gêner les grands joueurs. On sait qu'il est capable de battre Nadal, Djokovic, donc c'est pas anodin non plus. Est-ce que tu crois en Karen Khachanov qui a été vainqueur du tournoi l'an dernier, qui est pas dans une bonne dynamique, mais bon, qui a l'expérience derrière lui de ce tournoi l'an dernier, qui est plutôt bon sur ce type de surface? Ouais, non, malheureusement, j'allais en parler par la suite. Tu fais bien de poser la question. Malheureusement, non. Khachanov, il a fait une saison vraiment très décevante. Puis je vois des matchs sur indoor qui perd contre des joueurs qui sont largement à sa portée. Et comme je disais avant, je trouve qu'il progresse plus. J'ai peur qu'il atteint. Je veux pas condamner ce joueur parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je trouve que son année le condamne un peu, son année 2000, enfin la suite de ce qu'il a fait après Bercy. Je trouve qu'il a pas de fait d'armes dans les grands chelems, il a été inexistant et vraiment il y a les matchs qui sont à sa portée et je pense qu'il a une crise de confiance et là j'ai vraiment très peur que ça, la pression des 1000 points à défendre, aller en finale, regagner contre un membre du top 5, je pense qu'il est pas capable de le faire et je le vois peut-être même pas aller en demi. Concernant effectivement ce Masters Paris-Bercy, on avait prévu un petit sondage sur Twitter. Je donne la première dynamique. La question, c'était: Rafael Nadal remportera-t-il enfin son premier Rolex Paris Masters à Bercy cette semaine? C'était pas à une chance, hein, justement, ça obligeait à se positionner. Ouais. Y a quand même 70% qui disent non à cette question pour le moment, même si on n'a pas un nombre de votants encore assez significatif. Hein, le panel, c'est 10 personnes, tu veux que je sois honnête. Mais Guillaume, surtout, Laval, qui suit pas mal le tennis, qui est un de nos chroniqueurs, commentait en disant: non, je pense pas, ça va jouer entre ceux qui courent derrière le Masters, comme souvent. Justement, donc est-ce qu'il va pas un Djokovic, par exemple, ou un Medvedev? Il voit plus un outsider et quelqu'un qui aurait des points, justement, à défendre ou à aller chercher pour la qualification au Masters. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, alors ça me permet de rebondir directement sur le Masters. Pour les 8 qualifiés, il y en a 5 sûrs, même 6 sûrs parce que Zverev a de l'avance, mais Dominic Thiem avec sa victoire à Vienne a validé son ticket. La seule incertitude, c'est la 8ème place parce que Tsitsipas, il est 7ème, il a pas fait de perf l'année dernière à Bercy, donc là il va faire que gagner des points. Et la 8ème place, elle se joue entre Berrettini qui est 9ème, donc juste derrière Khachanov. Mais le problème, c'est que Khachanov, s'il veut accéder au Masters, ça veut dire qu'il faut au moins finale. Mmh. Et que Berrettini fasse, admettons, un deuxième tour. Ouais. Donc, il faudrait que Khachanov aille en finale. Donc, pour moi, ce sera Berrettini qui y va aller au Masters. Ce qui serait mérité sur la saison. Ouais, parce que là, sur indoor, il faut vraiment le bouger. Il est assez impressionnant. Et après, il peut y avoir aussi Batista Agut qui peut encore y aller. Oui. À la limite, Gaël Monfils, si vraiment il fait une grosse perf. Mais ouais, sachant qu'il a été blessé juste avant, j'y crois pas. Gaël Monfils qui serait sur la route d'Alexander Zverev en quart de finale potentiel. Ouais, après là, Zverev il est prenable, hein, y a pas de souci. C'est plus les tours d'avant en fait qui m'inquiètent. Ouais, voilà. Moi, c'est plus juste Monfils en lui-même, son état il a pris 3 et 2 contre Schwartzmann à Vienne, donc à voir. Mais moi je te dirais Berrettini en 8ème. Je te sens dans le doute. C'est vrai qu'on avait eu une finale à Bercy. Je parle pas de celle où on a vu Khachanov, qui était quand même, certes pas le joueur le plus connu, mais qui était quand même attendu. Il a fait un tournoi incroyable. Il a fait un tournoi incroyable en plus, contre Thiem, contre Zverev. Oui. Qu'il a puni. Ouais, ouais. Mais l'année d'avant, on avait eu une finale improbable. Tu penses qu'on peut aussi bien Jackson avoir Krajinovic. Exactement. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir aussi ce type de finale cette année, ou justement, non, je pense pas, qu'au vu des points à défendre, on va avoir un tournoi stimulant? On sait qu'on a quand même beaucoup de très bons joueurs qui sont présents et, ouais, et qui vont disputer ce Paris-Bercy. À partir du moment où, pour moi, t'as Djokovic, Nadal qui participent au tournoi, t'en as forcément pour moi un des deux qui sera finaliste. C'est pas être ficheuse du tennis que dire ça, c'est juste la réalité sur la saison 2019. Donc sachant que les deux peuvent pas se rencontrer avant la finale, je le rappelle. Et après, oui, il peut y avoir un outsider. Voilà, Tsitsipas a battu l'un des deux, il a battu les deux joueurs. C'est pas exclu que Nadal ou Djokovic soient éliminés en demi, mais je vois en tout cas l'un des deux en finale. Donc pour moi, on n'aura pas affaire à une finale vraiment improbable. On devrait pas avoir affaire à une finale improbable. Le dernier rendez-vous de l'année, ce sera le Masters ATP Finals. Ce sera Masters peut-être ATP Finals. Un petit mot de cet événement et justement qui va faire peut-être le lien avec les dynamiques et les joueurs un petit peu que tu vois ressortir. Ouais, bah, ça, du coup le classement sera forcément figé sur les 7 premiers. Tsitsipas sera assuré d'être 7e et Zverev 6e, ce qui est assez incompréhensible d'ailleurs. Je ne comprends pas comment Zverev peut être 6e mondial. Mais... Ouais. Du coup, avoir le 8e, et ce qui est intéressant pour moi au niveau de ces Masters, ça va être le tirage au sort. C'est-à-dire que Djokovic et Nadal sont sûrs de ne pas pouvoir s'affronter avant la finale, mais Roger va être 3e. Et ça va être intéressant de voir la répartition des groupes. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir un groupe composé de Nadal, Tsitsipas, Medvedev et Thiem. Donc un groupe hyper relevé, ouais. Où chacun peut un peu tirer son épingle du jeu. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir la répartition des groupes. Et comme toujours, je pense que Nadal il va attaquer le Masters avec cette différence, le fait qu'il a jamais remporté un Masters, ce qui est assez incroyable d'ailleurs pour un joueur comme Nadal. Ouais. C'est assez fou quand on sait que Djokovic et Roger l'ont remporté 5 fois. Et voilà, je suis assez curieux de voir ce que Roger peut donner aussi au Masters. Et voilà, je voulais justement vous poser une question sur ça, vous qui pouvez avoir un avis un peu global là-dessus. Est-ce que pour vous, sachant que là, on aura un Masters qui va vraiment affronter les trois gros, à savoir Nadal, Djokovic et Roger Federer contre le reste de la next-gen, c'est-à-dire ouais. que des joueurs qui ont moins de 26 ans, ou 26 ans qui est Dominic Thiem. Pour vous, est-ce que les trois monstres vont forcément accéder aux demi-finales? Ou est-ce que vous voyez l'un des trois ne pas accéder aux demi-finales et ne pas sortir du groupe? Et si oui, lequel? Jules? Et si oui, lequel? Je pense que les trois, au vu de ce qu'ils ont montré cette saison, comme tu l'as dit, ils ont encore sous le capot. Ça serait vraiment une grosse surprise d'en voir un des trois. Peut-être Roger, je mettrais, s'il y en avait un des trois qui n'accéderait pas aux demi-finales, je mettrais peut-être Roger, entre guillemets, le plus faible au niveau de la forme des trois. Ouais. Mais sinon, on a Nadal et Djokovic, je vois ça forcément très, très solide. Romain ? Mais du coup, il y a un truc que j'ai pas compris là. Du coup, au niveau des poules, du coup, il y aurait un groupe totalement ouvert pour Djokovic, du coup ? Non, en fait, c'est, ce que je veux dire, c'est un exemple de tirage au sort qui peut avoir lieu, mais en fait, ça va être un tirage au sort qui va être réparti. Avec des têtes de série ? Les seules têtes de série, en fait, c'est Nadal et Djokovic qui sont 1 et 2. D'accord. Donc, ils peuvent pas être dans la même poule, si tu veux. D'accord. Et après, le reste sera réparti en fonction du tirage au sort. Ok, d'accord. Donc déjà, l'un des deux qui se prend à Roger Federer, il est avantagé, tu vois. Ouais, donc tu peux avoir une poule où il y a 2, 3, 4, 5 dans la même poule. Voilà, ouais. Donc du coup, tout dépendra du tirage au sort. Voilà, c'est pour ça que je parce pense que si les gros se rencontrent assez vite... Voilà, ça sort des têtes de série ouais. automatiquement. En fait, tu nous poses un peu une question impossible, puisque tout dépend du tirage au sort. T'es un peu dur, parce qu'il y a quand même des tendances, et que voilà, si les mecs affirment vraiment leur statut, ouais. ils peuvent être inémobiles pour le demi. Ouais, ils ont tous fait des grosses saisons l'année dernière, et de toute façon, ouais, c'est des... Ils sont en manque ces joueurs-là. Voilà, Medvedev qui a jamais participé au Masters, qui va être vraiment une grosse ascension pour lui. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. On sait que par exemple, Dominic Thiem, c'était ses premiers Masters l'année dernière, il s'est complètement loupé. Il a pris 3 énormes tolls en poule. Après, on sait que déjà, il y a des joueurs qui sont des astres, qui passent et qui viennent faire une perf et qui redisparaissent. Pourquoi à l'image de Grigor Dimitrov qui a gagné le Masters. Pourquoi pas un joueur français aussi hein ouais, des fois. Faudrait qu'il y ait un qualifié. La différence, c'est par exemple, si jamais, je sais pas, si mon fils fait une perf à Bercy qui participe au Masters, mon fils, je rappelle, en 2008, a déjà fait le Masters, donc il connaît ce tournoi. Donc, il a déjà gagné des matchs en Masters, ce qui est quand même pas rien. Du coup, il peut toujours être un outsider, pas pour la victoire, mais en tout cas pour voilà. pas une potentielle demi-finale. Pour jouer le trouble fait. S'il est sur une force dynamique. Ouais. On sait comment des fois ce type de joueur, mon fils, c'est le cas, peuvent réagir. Ouais, on sait que les joueurs adverses n'aiment pas l'affronter en tout cas. Et en plus, les joueurs adverses n'aiment pas l'affronter. Effectivement, même si j'aimerais bien hein, que ce soit le cas, s'il y en a un que je vois plus ne pas être présent, ça reste quand même d'être plutôt Roger. Et si j'en vois... un, voire deux, effectivement, aller potentiellement en demi-finale cette année, ce serait plutôt Medvedev ou Berrettini, justement, s'il se qualifie, encore une fois. Mais s'il est présent, je pense que ça peut être une sensation, vu ce qu'il nous propose, ce type de joueur qui aura rien à perdre sur un Masters et qui pourrait rejoindre les demi-finales. Après, plus loin, c'est plus difficile. Moi, je ne serais pas d'accord avec vous, je sortirais Nadal les trois. Je mettrais Nadal qui ne va pas en demi et Roger et Djoko en demi. Ah, je te sentais venir. Ses performances à Bercy peuvent jouer là-dessus ? Sur le fait que tu le vois perfait derrière ou pas? Non, bah, je pense pas que les perfs de Rafa puissent puisse jouer sur sa perf au Masters. Je pense qu'il va faire son tournoi à Bercy. Quelle que soit l'issue, il sera dans une autre dynamique au Masters, mais je pense qu'en fait, c'est la surface et les joueurs qu'il peut affronter en indoor sur une surface très rapide. Masters, c'est la surface la plus rapide de l'année. Et ça peut lui déjouer. Oui. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour de ce débat tennis. Ce sera sympa d'avoir la prochaine fois aussi nos experts tennis autour de la table pour encore plus animer les débats. Mais en tout cas, ça permettait de revenir sur cette fin de saison et vous motiver à suivre justement la fin de saison de tennis qui s'annonce vraiment intéressante entre ces deux générations. On va prendre notre deuxième pause musicale et c'est le titre World in Union 95 de Overton en featuring avec Yolandi Nortje. C'est un son du film Invictus pour l'Afrique du Sud. De retour sur Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier 102.2 FM. Nous nous retrouvons pour notre grand moment de l'émission. Le titre que vous venez d'écouter, c'était World in Union 95 de Overton en featuring avec Yolandi Nortje. C'est un son sud-africain pour leur faire honneur. Et tout de suite, on se retrouve avec le grand moment de l'émission, Jingle Quiz. Sport and Chill, le quiz. Le quiz, grand moment de l'émission. Je ne sais pas si pour leur retour et la découverte de l'émission, Valentin et Romain souhaitent se mettre ensemble ou si tout le monde la joue en individuel. C'est à vous de choisir. Ah, ce serait sympa de faire des équipes. Généralement, on fait plutôt en individuel, surtout à 5. Mais après, vous pouvez faire équipe exceptionnellement. C'est l'occasion. On a un duo Romain-Valentin. On a Jules, que je ne vais pas mettre avec quelqu'un, surtout vu ses perfs actuels. On a Tim et Corentin. Qui sont de bons challengers et des habitués du quiz. Vous verrez à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas précisément notre quiz, je vous préciserai si nous sommes devant une question, citation, rapidité, tour de table, pour savoir comment vous devez répondre et si vous attendez votre tour ou vous répondez dès que vous le voulez. Et on démarre justement avec une question citation. Je ne donne pas le sport, des fois je le donnerai. Et donc vous pouvez me couper à n'importe quel moment. La question c'est: de qui parle-t-on? Pas qui dit la citation, mais de qui parle-t-on? Vu la carrière qu'il a eue et le palmarès qu'il a, il n'y a pas besoin de parler. À part dire bravo et dire que ça a été le plus grand entraîneur français dans le rugby, voilà, il n'y a rien à ajouter. C'est bien Guy Noves. Jules ouvre le compteur. Ça dégaine. Premier point, ça dégaine. Plus grand entraîneur français de rugby, même je pense que si on ne suit pas forcément, ce nom parle à beaucoup de monde. Il met donc officiellement fin à sa carrière d'entraîneur et c'était une citation de Gaël Ficou, le joueur de l'équipe de France. Deuxième question, et c'est une question football. Quel est le joueur en activité, rapidité, ayant disputé le plus de classiques de Ligue 1 au MPG? Et c'est bien Mandanda. C'est malin ça. Valentin Lavé, premier point, et son premier point dans l'émission en duo avec Romain. Ah, tu m'étonnes. C'est Steve Mandanda. Moi j'aurais pensé à Thiago Silva, tu vois. Et c'est également lui qui en a perdu le plus. Ouais, mais Mandanda était à l'avant. Prochaine question, football sur le même classique, rapidité. L'Olympique de Marseille d'André Villas-Boas n'a rien pu faire face au PSG hier soir dans le classique, défaite 4-0. Tous les buts marqués en première période. Mais de quand date la dernière victoire de l'OM contre 2011. Novembre 2011. Il a la précision, c'était au moins. J'aurais pu le préciser, j'en conviens, Tim. On va un point, quand même. Et le point est partagé. Voilà. Ah, on va être sympathique. C'est beau. Ah, voilà, on fait dans l'humanitaire. Kylian Mbappé ne jouait pas encore. Presque pané. Prochaine question, et on reste sur du football. Quelle performance historique Robert Lewandowski vient-il de réaliser en marquant ce week-end en Bundesliga? Il a marqué dans toutes les journées consécutives jusqu'à maintenant. Il a, les 9 premières journées. Il met un but au moins sur. Il a marqué au moins un but sur les 9 premières journées de Bundesliga. Ouais, vous l'avez tous les deux, mais la précision effectivement est utile. Un point pour le duo Romain-Valentin et un point pour Tim. C'est Robert Lewandowski, c'est le joueur qui a marqué lors de chacun des 9 premiers matchs de la saison en Allemagne et ce n'était jamais arrivé. Prochaine question, on est encore sur du football. Soyez attentifs si vous voulez pas rater de points. River Plate, champion en titre, a éliminé cette semaine son rival éternel Boca Juniors en demi-finale de la Copa Libertadores. Dans un mois à Santiago du Chili, quel sera son adversaire en finale? Colo-Colo? Je dirais Flamengo. Peñarol. América. Flamengo. Ouf. Valentin est chaud ce soir. Ça fait 3 points pour le duo Valentin-Romain, 3 points de Valentin. Yes. Prochaine question, et on a une question rugby. Rapidité. L'équipe de France éliminée, il n'y a plus qu'à se rabattre sur le top 14. Qui est actuellement leader du championnat? Toulouse. Lyon. C'est Lyon. Jules, là, c'est le loup qui est leader du championnat. Prochaine question, et tiens, on change de sport et de pays. On revient au football. Même question, dans un championnat dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Qui est depuis ce week-end le leader de la Liga? Séville. Non, Barça. Grenade. C'est Tim qui a dit Grenade. C'est bien Grenade. Et on est à 3 points pour Tim. Grenade, leader de Liga avec 20 points devant le Barça. Bombe, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid, le FC Séville avec 19 points. C'est un promu en Liga. Hein. Et il faut rappeler que le Classico n'a pas pu avoir lieu au vu des événements politiques actuels. Reporté plutôt, je devrais dire, au 18 décembre. Et du coup, Grenade a profité de l'aubaine. Bravo à Grenade. Nouvelle question, rugby. Ce week-end, en Ligue Celtique, le Leinster, champion en titre, a défié et battu l'équipe italienne des Zèbres par un score assez rare. 3-0. C'est un enfer. Et c'est là, incroyable. On t'as, est t'as payé ton billet pour très ça, serré. Y être. On a trois. Je préfère aller voir un concert de Jennifer, je te le dis. on a trois on qui ont trois points. On l'embrasse. Romain Valentin, Jules Tim, Corentin, on t'attend. prochaine question, et c'est une question football. Ce week-end, pour sa première en tant qu'entraîneur principal d'une équipe professionnelle, Thiago Motta s'est distingué par ses choix en cours de match. Mais de quelle manière ? Il a fait rentrer trois joueurs qui ont tous les trois marqués en deuxième mi-temps. C'est exactement ça. 4 points pour Tim qui prend l'avantage. Ces trois joueurs entrés en cours de match ont chacun inscrit un but. Alors mené 1-0, c'est ce qu'on appelle du coaching gagnant pour une victoire 3-1 face à Brescia alors qu'il était mené 1-0. Prochaine question, et c'est une question... Qui n'aurait jamais dit ça ? Ah oui, ça j'adore. Qui n'aurait jamais dit ça ? C'est ma spécialité. Donc c'est une fausse citation, il faut deviner qui n'aurait jamais dit ça. C'était vraiment une belle après-midi. Le stade était plein, nos supporters... Pierre Zakarian ? J'ai vu qu'on dominait un peu trop le match, donc j'ai tenté de rééquilibrer les débats. Vamaina. Le mec avait le tibia un peu tordu, donc alors j'ai tenté de lui remettre en place. Ça a bien marché, il a planté 3 buts après. Toute la semaine, mon gardien, Angus Gunn, se plaignait de ne pas assez toucher le ballon. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est bien régalé. Il n'a jamais autant couru. L'entraîneur de Southampton. Ah ouais. Non, il n'a jamais autant couru, mais vous êtes sur la bonne piste, pour récupérer un ballon dans les filets. Si on regarde mon match, je pense que je peux me montrer plutôt satisfait. 12 minutes. Un rouge, pas besoin de repasser par la douche. En plus, on est entré dans l'histoire avec ce record de buts encaissés à domicile en Première Ligue, et ça, c'est pas rien. Le président de Southampton ? Non, c'est un joueur qui s'est pris un rouge. C'est mais il faut savoir qui a pris un carton rouge. Yoshida ? Non, Ryan Bertrand. Ryan Bertrand, quel homme. 5 points quel pour Tim. Bien joué, Ryan Bertrand, après son expulsion face à Leicester, faut le rappeler, défaite historique sur le score de 9-0. D'ailleurs, au fait, de quelle année tour de table daté le précédent record de la plus large victoire à l'extérieur en Première Ligue, et on démarre par Tim qui est en tête. L'année 72 à l'extérieur, du coup 1972 pour Tim. Il faut mettre Jules. 81 pour Jules. Messieurs à ma gauche, 1916. Ah oui, ça joue au foot en 1916 quand même. Oui. Corentin avec des obus. Non, 1984. Eh bien écoutez, je disais bien à l'extérieur. Et du coup, Corentin est le plus proche. Et c'est assez récent en fait, enfin si on veut, 1999. Okay. Les Foxes battent le record de la plus large victoire à l'extérieur en première division anglaise détenue depuis 1999 par Manchester United à Nottingham Forest, 8-1. Ils égalent une autre performance record des Red Devils à domicile en 95, s'était imposé 9-0 contre Ipswich pour établir le record absolu de la plus large victoire en Première Ligue, donc depuis 92 que la Première Ligue existe, extérieur et domicile confondus. Le point est pour Corentin. Ah qui oui, est à deux parce points. Parce que tu parles de Première Ligue, donc en fait ouais. c'est Première Ligue et à l'extérieur. Moi je pensais que c'est de l'histoire. Ouais, ouais, non mais la Première Ligue était en 92, ouais, sinon, donc je t'aurais dit l'année quoi. Ouais, tu vois. Ouais. Ah, j'ai bien dit Première Ligue. Prochaine question, et c'est une question biographie. Né en mars 91 à Moutiers, je deviens champion du monde junior en 2009 devant un futur très grand de ma discipline. Je marque mon entrée parmi les meilleurs avec une deuxième place en Coupe du Monde. Je décroche ensuite plusieurs titres, dont trois Coupes du Monde. Un champion du monde et échoue pour l'instant dans mon rêve olympique. Pinturo ? Alexis Pinturo, une médaille d'argent, deux de bronze. Cette année, je commence la saison par une victoire et régale avec mon copain Mathieu Fèvre pour un doublé français. Ma spécialité est le combiné, mais je vise clairement la victoire au général cette année, m'appuyant sur mes capacités dans les disciplines techniques, géant, slalom. Jules est à 4 points. Prochaine question, et c'est une question tennis. Quel est le dernier vainqueur français du Master 1000 de Paris-Bercy ? Tsonga. C'est bien Tsonga. Un bonus, si tu l'as, c'est pour celui qui a le point. En quelle année ? 2013. C'est pas 2013. C'est pas 2013, c'était 2008. Oula, putain, ouais, je suis loin. Donc du coup, tu n'y es pas, mais tu prends un point. Prochaine question, et c'est une question... Rallye WRC. L'Estonien Ott Tänak a remporté le championnat du monde des rallyes pour la première fois de sa carrière à l'issue du rallye de Catalogne dimanche. Il met ainsi fin à l'ère des deux Français se prénommant Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Mais au fait, qui était le dernier vainqueur non français des championnats du monde WRC ? Colin McRae ? Non. C'était un jeu vidéo, ça. Hirvonen ? Je tente un truc. Hirvonen, non. Latvala ? Pas Latvala. C'était en 2003. C'est bien les pays du Nord. Ah, il est assez célèbre. Je suis sûr que Guillaume Laval l'aurait eu, par exemple. Oui. Est-ce que vous avez ou ça ne vous vient pas ? Ah, j'ai du mal, là. Peut-être que tu as la nationalité ? Allez, norvégien. C'était au volant d'une Subaru. Bergson. Moi, je sais que j'ai joué à une époque à quelques jeux de rallye, donc Hojberg. Je n'aurais pas oublié. Colin McRae Rallye ? Je temps. Non, mais c'est pas le nom d'un jeu. J'étais un pur nerf. C'était Peter Solberg, messieurs. Oui, voilà, c'est il a arrêté sa carrière cette année, d'ailleurs. Et il avait été champion du monde en 2003, soit il y a 16 ans. Donc ça faisait 16 ans qu'un Français n'avait pas été battu. Et donc on a eu 16 finalement. Années d'hégémonie, ce qui est exceptionnel. Avec 9 titres consécutifs pour Sébastien Loeb et 6 titres ensuite pour Sébastien Ogier. C'est un papier, par contre. Avant-dernière question, et c'est une question basket. Le 24 janvier, la NBA va organiser un match de saison régulière à Paris. Mais quelles équipes vont s'affronter ? Charlotte Milwaukee. Oh, il a été rapide. Team marque un avant-dernier point, ou peut-être un dernier point. Va chercher son dernière question, et c'est une question tour de table, sur du football. On en a parlé. La pépite norvégienne Haaland, qui découvre la Ligue des Champions, a de nouveau scoré avec Salzbourg dans le championnat autrichien dimanche. À combien de buts est-il cette saison ? Toutes compétitions confondues, je vous donne quand même une indication, il a joué 13 matchs. Et Tim démarre, il est en tête. 20. 19. 20, 19. 17. 17. 15. Ouais, 15. 15. Eh bien écoutez, ce soir, c'est plus que mérité. C'est un tout pile et c'est 2 points de plus pour Tim. C'est bien. 20. Et on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points pour Tim ce soir, qui nous régale et qui remporte le quiz pour son retour dans l'émission. Bravo à Tim pour cette belle performance. Merci ce soir. Il marque sa petite étoile, sa deuxième aussi. Et ça sera pas de quatrième victoire pour Jules, qui reviendra bien sûr pour l'emporter tout bientôt, j'en suis sûr. On en passe du coup à notre agenda 100% Montpellier. Hein. Les matchs à suivre pour les équipes de Montpellier ici au week-end prochain, avec pas moins de 9 rencontres à suivre pour nos équipes de la ville en handball, volley, basket, football et hockey sur glace. Tout d'abord le MHB, un match à la suite de la trêve internationale et après un match amical contre la sélection algérienne de handball. Les Montpelliérains du MHB seront de nouveau sur les parquets avec un match capital au programme en Ligue des Champions. Le samedi 2 novembre à 18h30, le MHB se déplacera à la Dragao Keksa pour défier le FC Porto et maintenir une spirale positive sur la scène européenne. Le retour de notre cher Lidl Star League aura lieu le mercredi 6 novembre pour un match au Palais des Sports René Bougnol contre Ivry. Le MHSC masculin sera sur les pelouses en match officiel à 2 reprises cette semaine. D'abord, les Payadins de Michel Derzakarian feront leur entrée en lice en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Les Montpelliérains recevront au stade de la Mosson pour cette dernière édition de la Coupe de la Ligue l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine, club de Ligue 2 habituel pensionnaire de Ligue 1 dans les années 2000. Mercredi 30 octobre à 21h, Ferrare. Le match sera diffusé sur France 3 Languedoc-Roussillon. Je vous encourage à le voir. Enfin, samedi à 20h dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, Montpellier retrouvera la Ligue 1 pour un déplacement à Saint-Symphorien face au FC Metz de l'inévitable attaquant Habib Diallo. Le MHSC féminin pour la 8e journée de D1, Arkema, les Montpellierennes 3e du championnat joueront l'un des matchs les plus importants de leur saison en championnat. Elles recevront les championnes de France et d'Europe en titre, l'Olympique Lyonnais 2e de D1 derrière le PSG à Grammont. Une affiche à ne pas manquer où seront alignées de nombreuses joueuses de l'équipe de France féminine de Corinne Diacre de part et d'autre du terrain. Le rendez-vous pour les supporters samedi 2 novembre à 15h. Pour le MHR, pas de finale, ce sont les finales de la Coupe du Monde, je le rappelle, au stade de Yokohama, la grande finale samedi à 10h entre le 15 de la Rose et les Springboks, et la petite finale opposera quant à elle au Tokyo Stadium à 10h vendredi 1er novembre les All Blacks au Pays de Galles. Prochain rendez-vous pour le MHR le samedi 9 novembre, ce sera à Mayol contre Toulon. Le MRC, pas de match non plus, elles l'ont bien mérité avec leurs 29 sur 30 possibles. Le prochain match ne sera que le 1er décembre en championnat à Chilly-Mazarin dans l'Essonne en région parisienne. Le Montpellier Vipers aura par contre, c'était notre focus de la semaine, 2 rencontres à disputer au cours de la semaine et tentera d'entamer un cycle de victoires pour remonter au classement après son succès le week-end dernier 3-0 face à Chambéry. Le jeudi 31 octobre, ils se déplaceront à la patinoire de Clermont-Ferrand 12e pour la 8e journée de D1. Ils recevront ensuite samedi 2 novembre à 19h à la patinoire Vegapolis l'équipe de Cholet 7e pour la 9e journée. Le MCVUC en volée, il reste sur 2 succès de rang, on l'a dit dans cette émission, à Paris, face à Paris Volée et Poitiers. Ils reçoivent au Palais des Sports Chaban-Delmas de Castelnau, une nouvelle équipe de la région. Après la Rago de 7, c'est Narbonne Volée qui viendra défier nos joueurs samedi 2 novembre à 20h pour la 5e journée de Liga A masculine. Pour le EBLMA, 2 matchs. Le premier, ce sera le rendez-vous de la semaine face au Dynamo Koursk pour la 3e journée d'Euroleague mercredi 30 octobre à 20h. Le deuxième, ce sera... j'ai pas tort de vous le dire. Ce sera contre Roche-Vendée Basket Club. C'est bien cette semaine parce que ce sera samedi à 18h30 et c'est les deuxièmes du championnat. Le Waterpolo n'a pas de match et je laisse du coup Tim sur les tips de la semaine. Oui, alors les tips de la semaine, j'ai deux combinés. Je vais être raccord avec l'actualité, je vais faire un combiné tennis. 4 matchs, Paris-Bercy, Kachanov contre Yael Lennart-Struff, je mets Kachanov. Gilles Simon contre Chapovalov, bah, bien sûr, je mets celui qui n'est pas français, c'est-à-dire Chapovalov. Dimitrov contre Humbert, je mets Dimitrov, l'expérience. Et Wawrinka vs Cilic, je mets Wawrinka sur la forme du moment. Cote à 6-15. Et ensuite, j'ai un deuxième combiné parce qu'il y a du foot européen cette semaine. Il y a les championnats et de la coupe aussi. 5 matchs. Alaves qui reçoit l'Atlético Madrid. Je vois l'Atlético confirmé sur la forme du moment à l'extérieur. L'Inter Milan qui va à l'extérieur, pardon, à Brescia. Je les vois quand même s'imposer et rebondir par rapport à leur match venu ce week-end. Montpellier contre Nancy, j'ai envie d'être chauvin, j'ai envie de mettre Montpellier à domicile quand même contre Nancy. Valence contre le FC Séville, je vois un match nul. Et Juventus qui reçoit le Genoa, je mets Juventus à domicile, cote à 18. Et les tips de la semaine sont d'ores et déjà à retrouver sur notre page Facebook. On espère qu'on va être en réussite ce soir. Vous avez pu nous suivre sur toute cette fin d'émission en live Facebook. Concernant le sondage, pour le moment, 59% des personnes qui suivent notre page voient l'Angleterre remporter la Coupe du Monde 2019. Plutôt équilibré, 60-40. Ce qui reste plutôt équilibré. Je vous le disais, donc Nadal, pour 70% des auditeurs sur Twitter, vous pouvez encore participer à ce sondage aussi, ne remporterait pas le Masters de Paris-Bercy. On verra si la suite leur donne raison. Je vous remercie, messieurs, pour cette belle émission. Je remercie également à Manon et Tariq qui nous font l'animation sur les réseaux sociaux. La prochaine émission à suivre à 21h sur Radio Campus Montpellier, c'est l'émission Campus Hi-Fi de mon cher Cédric. On se quitte avec le son de la semaine où nous rendrons hommage, parce qu'il le faut bien, à l'exploit de nos voisins anglais face à la Nouvelle Zélande. C'est un son, vous verrez, en anglais dans le texte. C'était les derniers instants de l'élimination des doubles tenants du titre 2011-2015, la Nouvelle-Zélande par le 15 de la Rose en demi-finale de la Coupe du Monde. Bonne semaine à tous, passez une agréable soirée et bien sûr, go Springboks. Yo soon. Ciao. Something else tonight, Mauro Tauge, your player of the match. Yeah, I could have picked any one of half a dozen English players, Tuilagi, the two flankers, Underhill, Curry, but for me, Mauro Tauge, from the first minute, was an absolute thorn in the All Blacks side, winning line-out, stealing...